Amis auditeurs, amis auditrices, bonsoir. Émission en mosaïque. Alors ce soir, eh bien bon, ben, programme, c'est musique Jean-Yann, si tu t'en irais. Hein, ouais. Ensuite Clémentine Autain, le pire du pire, il nous reste le pire. Hein. Musique, Edith Piaf, c'est à Hambourg. C'est à Hambourg, oui, à Hambourg, tiens, ben, l'Europe, Hambourg. Mélenchon, discours deuxième tour. Musique, Maurice André, End, trompette concerto. Ensuite, Adrien Quatennens, soir du troisième tour, du deuxième tour, pardon, deuxième tour, troisième tour, c'est un peu plus tard, ça va être le média, alerte climat, c'est maintenant ou jamais. Alerte climat, c'est maintenant ou jamais. Alors, les écolos, ils vont se retrousser les manches, se cracher dans les mains et se mettre à l'œuvre, pas au travail, à l'œuvre. Musique, Francesca Solville, ma France, ma France. Blast, derrière la dédiabolisation, terrible programme de Marine Le Pen. Musique, Claude Nougaro, il y avait une ville. Oui, en Ukraine, il y avait une ville, puis une autre ville, et une autre ville, et puis il reste des ruines. Et puis, bon, voilà. Et puis ailleurs, encore ailleurs, souvent il y a des destructions. Jean-Luc Mélenchon, aux Français de m'élire Premier ministre. Musique, Daniel Guichard, mon vieux, mon vieux. Chanson de Daniel Guichard. Le pôle populaire a reconstruit la gauche, pas le contenu. Musique, Jean Ferrat, la montagne. 12 et 19 juin, déferlement dans les urnes pour l'Union populaire. L'Union populaire. Privilège des anciens présidents. Ensuite, musique Guy Béard, la vérité. Oh. Coluche, les journalistes. Indicatif de fin, et puis peut-être une petite revue de presse, hein. Ah oui, si vous assistez. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois que t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, y aurait quelque chose du zèle au fond de moi. Si tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur, si tu t'en irais, laissant nos âmes désunies, si tu tenterais d'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. Car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume, hecte mes yeux, de joie mes larmes, loin des alarmes, coulant d'un charme voluptueux. Je crois bien que je mourirais si un jour tu t'en irais. Or, ce soir, nous avons évité le pire du pire, c'est-à-dire un pays avec l'extrême droite à sa tête, mais il nous reste le pire. Il nous reste le pire parce que je veux penser ce soir à tous ceux qui aujourd'hui ont mis un bulletin de vote Macron dans l'urne, avec beaucoup de colère, et qui vont vivre dans leur chaise l'hypothèse que 50 plus nous ayons de la casse du code du travail, que nous ayons un allongement du départ à la retraite, que nous ayons une inaction sur le plan du climat, etc., etc. c'est le mépris dont le président de la République est pour le moins coutumier. Donc, dans ce paysage politique, ce que nous disons très fortement ce soir, c'est qu'il y a un troisième tour et donc une possibilité d'empêcher que Emmanuel Macron, avec les siens, poursuive cette politique qui est une politique qui ne permet pas d'améliorer le quotidien du grand nombre. Or, et c'est impressionnant ce à quoi nous venons d'assister entre Gabriel Attal et Rachida Dati, parce qu'en réalité, le paysage politique dans cette présidentielle s'est profondément reconfiguré. Il y a trois blocs. Le bloc de la majorité, dont nous ne voulons plus, l'extrême droite qui vient d'être battue ce soir, et un troisième bloc à émerger, qui est celui de l'Union populaire, qui fait pour une nous, proposition. On existe à l'Assemblée. Hein. Précisément, il y a quand même plus de 100 députés. Madame Dati, c'est précisément votre échange qui me conforte. Vous venez de faire quasiment une proposition, une offre non, de service. Écoutez, Madame Autain, non mais ça va. Vous venez quasiment faire une offre de service, Madame Dati. J'ai pas besoin de vous, j'ai besoin de personne. Moi, je vous dis, l'offre de service que je fais, c'est aux Français. Parce que, effectivement, je vous ai pas coupé, Madame Dati. Non, laissez Clémentine Autain finir sa phrase, s'il vous plaît. À traduire ou interpréter des propos. Moi, les offres de service, je n'aime pas cette expression. Moi, mon engagement politique, il est au service des Français. Clémentine Autain, poursuivez, s'il vous plaît. La réalité, c'est que les deux grands partis qui ont très longtemps gouverné, la droite classique, le Parti socialiste, se sont effondrés et que nous avons un nouveau paysage politique avec ces trois blocs. La proposition que nous faisons aux Françaises et aux Français, à celles et ceux qui ont voté pour nous au premier tour, à celles et ceux qui ont voté et qui sont attachés à une visée d'égalité émancipatrice, écologiste, et à ceux qui n'en peuvent plus depuis 2002 de voir ce second tour confisqué, parce que c'est quand même ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire que depuis 2002, on a à chaque fois un second tour dans lequel on nous demande d'aller voter pour éviter le pire, c'est quand même terrifiant. Une nouvelle voie s'ouvre, qui est une voie d'espérance, et j'appelle les Français et les Français à la saisir le 12 et 19 juin prochain. Nous pouvons créer cette surprise et empêcher Emmanuel Macron de poursuivre sa politique et d'ouvrir un nouveau champ des possibles avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, d'un large rassemblement. Et Clémentine Autain, ce sera sur la base du programme du candidat Mélenchon, deux points particuliers, il l'a dit il y a 8 jours, la sortie du capitalisme, l'équidistance entre... Vous représentez les écologistes, attendez, est-ce que vous seriez prêt? Non, c'est ce que disait, c'est ce qu'il y a plusieurs reprises le candidat. Donc on sort du capitalisme et on ne livre aucune arme à l'Ukraine. Bien, par exemple, bien, ces deux points. C'est bien de caricaturer, c'est formidable. Non, ce sont des points. On va bien avancer ce soir avec vous encore. Ce sont des points. Permettez-moi de vous dire... Vous appelez à voter Emmanuel Macron et vous voulez combattre Emmanuel Macron. Vous soutenez Emmanuel Macron le dimanche. Pardon. Et vous voulez le croire le lundi. Intellectuellement, je ne comprends pas trop la logique. Moi, ce bardet-là. Non. Qu'est-ce que c'est que cette agressivité? Clémentine Autain, pardonnez-moi. Calme-moi. C'est pas l'agressivité. Bien non, ce sont deux propos tenus il y a moins de 10 jours par le candidat Mélenchon. Monsieur Mélenchon et l'Union populaire, nous nous sommes adressés à Europe Écologie Les Verts, à d'autres, pour justement construire un élargissement de l'Union populaire sur la base de la stratégie que nous avons adoptée et d'un certain nombre points programmatiques. Quels sont ces points programmatiques majeurs? Par exemple, la retraite à 60 ans, la planification écologique, une sixième république, l'augmentation du SMIC et des minima sociaux. C'est ça, les engagements programmatiques sur lesquels nous proposons un large rassemblement. Nous le proposons d'abord aux citoyennes et aux citoyens, aux personnalités et à des mouvements politiques qui pourraient nous rejoindre pour construire demain cette majorité. C'est cet état d'esprit qui nous anime. Très bien. C'est Tambour à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est Tambour à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. Hello boy, you come with me? Amigo, te quiero mucho. Liebling, come dorm with me. C'est Tambour au ciel de pluie, quand les nuages vont à pas lents, comme s'en vont les lourds chalands le long des quais crevant d'ennui. C'est à Hambourg ou bien ailleurs qu'à tous les gars en mal d'amour, qu'à tous les gars depuis toujours, moi je balance du rêve en plein cœur. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, qu'il a posé ses mains sur moi et qu'il m'a fait crier de joie en me serrant fort contre lui, m'a dit je t'aime à plus finir, laisse dans la tout est marin, laisse dans la mer et puis viens, moi j'ai du bonheur à t'offrir. Ma petite gueule, c'est à Hambourg, au ciel de pluie, dans les bastringues matelots, que je trimballe encore ma peau, les bras ouverts à l'infini. Car moi je suis comme la mer, j'ai le cœur trop grand pour un seul gars, j'ai le cœur trop grand et c'est pour ça j'écris l'amour sur toute la terre. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. So long boy, adios amigo, nachher Schatz. Au revoir petite gueule. Mesdames, Messieurs, pour ce second tour, Madame Le Pen et Monsieur Macron représentaient à peine plus du tiers des électeurs inscrits. Les urnes ont tranché. Madame Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. À présent, Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d'un choix biaisé. Il surnage dans un océan d'abstention, de bulletins blancs et nuls. Ma pensée se tourne vers les futures victimes de cette situation. Les personnes qui vivent du RSA et devront travailler gratuitement pendant 20 heures. Les personnes usées qui partiront à la retraite 3 ans plus tard. Les personnes prises à la gorge financièrement et qui ne verront pas les prix être bloqués. Les personnes qui savent à quel point l'inaction écologique de M. Macron est un crime. Les personnes qui voient avec tristesse l'État détruit et le pays vendu à la découpe. À toutes et à tous, je dis, ne vous résignez pas. Au contraire, entrez dans l'action, franchement, massivement. La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le troisième tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Vous pouvez battre M. Macron et choisir un autre chemin. Le 12 et 19 juin, un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité, je dis bien une majorité, de députés de la nouvelle Union populaire qui doit s'élargir. Le bloc populaire qui s'est constitué autour de ma candidature à l'élection présidentielle est dans ce pays, dorénavant, le tiers État qui peut tout changer, s'il se rassemble et s'il s'élargit. Le 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple. Courage, action, détermination, refus toujours de la fatalité et de la résignation. Vive la France, vive la République. Ce soir, en tout cas, on peut le dire, depuis 5 ans, Emmanuel Macron, il a œuvré, il a contribué à faire monter l'extrême droite pour obtenir ce second tour qu'il souhaitait. Et on peut dire ce soir que pour Marine Le Pen, c'est mission accomplie. Elle a accompli la tâche qui était la sienne, faire réélire un président de la République sortant détesté qui porte un projet d'une brutalité sociale sans nom. C'était pour l'essentiel, contrairement à ce que vient de dire Manuel Valls, je le crois, un vote par défaut, un vote sans enthousiasme, un vote barrage qui a fonctionné pour beaucoup. Et à l'issue de cette élection présidentielle, aucun des grands problèmes, aucune des grandes questions sociales, écologiques, démocratiques n'est traitée. La tension politique ne va donc pas s'éteindre. Et la nouveauté dans ce scrutin présidentiel, c'est la constitution de ce troisième pôle populaire autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et d'un programme. Alors ce soir, comme il l'a fait à mon tour, je m'adresse aux Françaises, aux Français, pour leur demander de prendre leur disposition et de se préparer à une grande mobilisation. Car oui, peut-être plus que jamais, ces élections législatives vont fonctionner comme un troisième tour de l'élection présidentielle. Alors rendez-vous les 12 et 19 juin. Nous avons vocation à élargir ce pôle populaire qui a été constitué lors de la présidentielle pour bâtir une majorité alternative à l'Assemblée nationale et donc gouverner ce pays dans quelques semaines. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon a résumé avec la formule « Élisez-moi Premier ministre ». Et à toutes celles et ceux qui gardent la gorge serrée depuis 15 jours, de ne pas voir leur SMIC augmenter, de ne pas voir les minima sociaux augmenter, la planification écologique, la 6ème République, à tout cela ce soir, je le dis, c'est le temps de l'action. Dans quelques semaines, nous pouvons y arriver. Les choix faits aujourd'hui par les pays permettront de tenir l'engagement sur 1,5 degré ou le détruiront. Les promesses et les plans doivent se transformer en réalité et en action maintenant. Ces mots, ce sont les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, lors de la présentation du nouveau rapport du GIEC, lundi 4 avril. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié les travaux du groupe 3, celui qui travaille sur l'atténuation, sur les solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il nous reste 3 ans, nous disent-ils. 3 ans pour garder une planète vivable. 3 ans pour stabiliser le pic d'émissions de gaz à effet de serre. Sinon, nous ne pourrons pas limiter le réchauffement à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour en parler, le média reçoit sur son plateau 2 des auteurs de ce nouveau rapport. Franck Lecoq, bonjour. Bonjour. Franck Lecoq, vous êtes économiste, professeur à AgroParisTech, directeur du CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Vous étiez auteur déjà de 2 rapports précédents du GIEC, parus respectivement en 2007 et 2014. Merci d'être là. En face de vous, Yamina Saeb, bonjour. Bonjour. Yamina Saeb, vous êtes experte en politique énergétique et analyste principale à OpenExp, un think tank qui planche sur les questions énergétiques. Vous êtes enseignante à l'École des mines de Paris et à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi l'une des autrices de ce nouveau rapport. Merci également d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, il nous reste moins de 3 ans. Les émissions de gaz à effet de serre, elles doivent culminer avant 2025 et être réduites de 43% d'ici 2030. C'est ce que vous nous dites dans ce nouveau document. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'on peut encore y arriver? Est-ce qu'on peut encore respecter les termes de l'accord de Paris de la COP21? Alors, ce que dit le rapport très, très clairement, c'est qu'effectivement, sans action de réduction des émissions massives, rapide pour arriver, vous avez cité les chiffres, à réduire les émissions d'à peu près 40% à l'horizon 2030 par rapport à aujourd'hui, et en arrivant à ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire des émissions résiduelles faibles compensées par captation du carbone dans l'atmosphère à l'horizon 2050, l'objectif 1,5 serait hors de portée. Je voudrais quand même revenir sur le point, cette date de 2025 qui a été mise en avant, ces 3 ans qui ont été mise en avant beaucoup dans la presse. Je pense qu'il faut faire attention à pas la lire comme étant binaire, soit on fait quelque chose, soit c'est trop tard. Mmh. Il n'est jamais trop tard pour faire des efforts de réduction des émissions. Il n'y a pas une sorte de seuil au-delà du 1,5 de degré, au-delà de laquelle c'est la catastrophe et en deçà de laquelle il ne se passe rien. Nous avons déjà des impacts du changement, nous subissons déjà des impacts du changement climatique. Le groupe nous l'a dit. Nous en subirons encore plus si nous montons au-delà de 1,5. Et donc chaque degré ou chaque dixième de degré compte. Oui, pour bien comprendre notamment ce que dit ce rapport, c'est que nous n'avons pas 3 ans pour agir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut agir dès maintenant pour espérer stabiliser le pic d'émissions d'ici 2025 et donc réduire de moitié les émissions mondiales d'ici 2030. Mais donc en fait, c'est un appel à agir dès aujourd'hui. Exact. Pour pouvoir être dans l'objectif de température de l'accord de Paris, il est impératif de pouvoir commencer à réduire drastiquement nos émissions à partir de 2025. Il faudrait qu'elles baissent. Et pour que cela se produise, il faudrait des politiques ambitieuses dès maintenant pour que cela puisse se produire en 2025. Un point important que montre ce rapport, c'est que, bien sûr, il n'est jamais trop tard pour agir, mais plus on tarde à agir, plus le coût de l'action sera élevé. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui déjà, le coût de l'action est inférieur au coût de l'inaction et dans le futur, ça va s'accentuer. Plus on tarde, plus le coût de l'action sera plus élevé dans le futur. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on a déjà pris du retard. Et c'est là où ça s'annonce compliqué. C'est que finalement, aujourd'hui, en 2022, on aurait déjà dû commencer depuis longtemps à mettre en œuvre ces politiques ambitieuses. Alors, ce rapport confirme, ou si vous voulez, donne plus de précision par rapport au rapport qui a été publié en 2018, qui annonçait déjà, sur l'objectif de 1,5, qui annonçait déjà la décennie 2020-2030 comme la décennie cruciale pour changer de trajectoire. Entre-temps, il se trouve que ce qui a été fait n'a pas permis de changer de trajectoire. Donc, c'est juste une confirmation. Et effectivement, en 2018, on parlait de la décennie 2020-2030. Et là, on a déjà perdu 2-3 années de cette décennie-là. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais que ce qui a été fait aujourd'hui, c'était largement insuffisant. C'était bien en dessous des ambitions fixées, notamment dans l'accord de Paris. Oui, alors c'est correct. C'est-à-dire que le rapport constate qu'il y a aujourd'hui près de la moitié des émissions mondiales qui sont d'une façon ou d'une autre régulées sous une forme de politique climatique. Donc il y a des actions qui sont menées à l'échelle gouvernementale, mais aussi à l'échelle des entreprises, à l'échelle des collectivités locales, des villes par exemple. Mais il y a aussi des plans de réduction des émissions qui nous emmènent quelque part vers une stabilisation effectivement des émissions à l'horizon 2030. Mais encore une fois, tout ça est insuffisant, largement insuffisant, si l'on veut tenir les objectifs de 1,5 ou même l'objectif de 2 degrés, qui supposerait de réduire les émissions d'à peu près 20% à l'horizon 2030 par rapport à aujourd'hui. Mais toutes les solutions, elles sont connues, on a tout en main, on n'a plus qu'à les mettre en œuvre. Alors oui, les solutions sont là. Ce qui manque, c'est l'action politique. C'est la décision politique, en fait, pour que ça se produise. Et ce qui manque aussi, c'est dans tous les plans qui existent les mesures qui ont été mises en œuvre, ce n'est pas que rien n'a été fait, mais ce qui a été fait n'a pas été suffisamment ambitieux, n'a pas été à la hauteur des enjeux. Et pourtant, les solutions sont là. Et c'est peut-être l'un des enseignements les plus importants de ce rapport-là. Donc, on n'a pas à attendre des solutions magiques qui vont être développées en 2050 ou après 2030. Elles sont là, les solutions. Mais il faut de l'action, il faut de la décision politique pour une action climatique ambitieuse. Alors, quelles sont les priorités identifiées ? Est-ce que ce sont les énergies fossiles ? On en a beaucoup entendu parler dernièrement, l'utilisation des énergies fossiles qui doit être fortement réduite d'ici à 2050 pour tenir l'objectif majeur de l'accord de Paris, de limiter le réchauffement à plus 1,5, on vient de le dire. Est-ce que ce secteur-là, c'est le secteur prioritaire sur lequel il faudrait aujourd'hui légiférer et peut-être contraindre ? Alors, peut-être avant de rentrer dans le détail des solutions, effectivement, le rapport passe l'essentiel de son temps, de ses pages, à explorer les options de réduction des émissions dont nous disposons. Je crois que le premier message, c'est qu'elles sont de nature très diverse. C'est pas seulement des technologies propres, mais ce sont aussi des choses qui viennent au niveau, donc vous l'avez dit, de la réduction de l'usage des combustibles fossiles, donc qui touchent aux infrastructures, des choses qui touchent à la demande. Et donc c'est cet ensemble-là. Qui constitue les solutions. La deuxième chose, c'est que le potentiel de réduction des émissions, si on met tout ça ensemble, il est large, puisqu'il est estimé qu'on peut réduire les émissions de moitié à l'horizon 2030 à coût modéré. Ce qui est estimé ici, c'est 100 dollars la tonne de CO2, donc ce qui est relativement limité. Et troisième chose, ce sont des réductions d'émissions qui sont dans tous les secteurs. Alors on va parler de l'énergie, forcément, puisque c'est le tiers à peu près des émissions mondiales, c'est essentiel. Mais il y a des choses dans le secteur des transports, dans le secteur de l'agriculture, usage du sol ou du bâtiment. Et ça, c'est très important d'avoir en tête. Alors peut-être là-dessus, une nouveauté dans ce rapport, c'est que pour la première fois dans un rapport du GIEC, on a tout un chapitre sur la réduction de la demande. Et ça, c'est complètement nouveau. Et autrefois, on focalisait surtout sur le secteur de l'énergie. Mais il faut être réaliste, il faut voir les choses en face. Le secteur de l'énergie consomme de l'énergie et émet du carbone ou des gaz à effet de serre. Parce 75%, c'est ça, des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le secteur de l'énergie. Mais ces émissions-là, elles viennent du fait qu'au niveau de la demande... C'est pour répondre à la demande dans le bâtiment, dans les transports, dans l'industrie. Donc si on réduit en amont la demande de l'énergie, à ce moment-là, le secteur de l'énergie lui-même serait plus facilement décarbonisable. Donc c'est peut-être un message important aussi. Et on a estimé que le potentiel de réduction des émissions par la demande est de l'ordre de... et pourrait aller jusqu'à 70% d'ici à 2050. Mais pour cela, il faudrait... Entre 40 et 70%, tout secteur confondu. Mais pour cela, il faudrait mettre en place à la fois des mesures de sobriété, d'efficacité, et puis la décarbonation du secteur de l'énergie. Donc si on n'a pas ces trois mesures, ces trois types de politiques en place, dans tous les secteurs, on ne pourrait pas capter ce potentiel de réduction des émissions. Oui, la sobriété, c'est un peu d'ailleurs un élément que vous avez mis en exergue aussi de manière nouvelle dans ce rapport. Et d'ailleurs, le GIEC propose même une définition dans ce rapport. Est-ce que peut-être vous pouvez me l'étayer un petit peu et m'en parler un peu plus ? Parce que finalement, ce que vous dites, c'est que sans sobriété, on ne peut pas réussir. Alors, c'est vraiment quelque chose de nouveau. La littérature aujourd'hui parle beaucoup de sobriété et de l'importance de la sobriété pour décarboner l'ensemble des économies. Et dans le cadre de ce rapport-là, il y a une définition qui est proposée, qui a été proposée et validée par discutée avec les gouvernements, qui dit que la sobriété, ce sont toutes les mesures qui permettent d'éliminer dès le départ le besoin en énergie, en matières premières, en matériaux, en eau et en sol. Donc, c'est pas juste l'énergie, parce que ça va plus loin que l'énergie, et si tout en garantissant à tout un chacun un niveau de vie décent dans le cadre des limites planétaires. Dans le cadre de ce rapport-là, les limites planétaires seraient bien sûr le budget carbone qui nous reste. Et dans ce nouveau chapitre sur la réduction de la demande, la sobriété est caractérisée en, il y a deux groupes, une partie c'est les infrastructures et l'autre partie c'est les changements de normes sociales et culturelles. Alors dans les précédents rapports, le focus était principalement sur le changement de comportement. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, ce que la littérature rapporte, c'est que le changement de comportement, d'abord, il ne peut se produire que si vous mettez en place d'abord les infrastructures qui permettent ce changement-là. Une bonne illustration de ça, c'est les pistes Corona et le changement vers le nombre de cyclistes qui augmente dans les villes qui ont mis en place ces pistes-là. Ensuite, ce changement de comportement, sa contribution reste relativement faible par rapport aux émissions de réduction que l'on peut, à la réduction des émissions que l'on peut avoir en mettant en place toutes les infrastructures nécessaires. Et ça, la question de la sobriété a été plus particulièrement étudiée dans le chapitre dans le bâtiment, parce que la littérature sur la sobriété est plus riche dans le bâtiment que dans les autres, pour les autres secteurs. Un petit peu plus aussi dans la partie transport, mais dans la partie bâtiment, le chapitre est vraiment structuré autour du triptyque sobriété, efficacité, renouvelable. Et toute la littérature a été revue pour essayer de voir à chaque niveau comment est-ce que ces trois piliers de la décarbonation sont traités. Donc plutôt que, plus important que de revoir nos choix technologiques de production énergétique, il faut d'abord réduire. En fait. Il faut les deux, mais il faut réduire. Une chose qu'on apprend justement, si on prend le secteur résidentiel, le manque de politique de sobriété entre 90 et 2019 a conduit à augmenter les émissions de carbone du résidentiel de 52%. Donc il y a 52% d'augmentation qu'on aurait pu éviter juste en mettant en place des politiques de sobriété. Mais on a raté ce cap-là. Alors que la mise en place des politiques d'efficacité énergétique a permis de réduire ces émissions-là de l'ordre de 49%. Donc vous voyez, tout l'effort technologique que l'on a fait d'amélioration technologique pendant 30 ans a été complètement absorbé par le fait qu'on n'ait pas mis en place des politiques de sobriété à l'échelle mondiale. Et les énergies renouvelables, là-dedans, elles vont jouer un rôle crucial aujourd'hui. Vous avez tout un aspect du rapport qu'on parle. Alors oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne s'agit pas de choisir. Il n'y a pas une solution miracle qui, à elle toute seule, nous permet d'avancer. C'est une combinaison. L'enjeu dans le secteur énergétique consiste à essayer de sortir des énergies fossiles, du charbon, du pétrole et du gaz naturel, et à, au contraire, produire des services, en particulier l'électricité, à partir de sources non carbonées, en particulier des énergies renouvelables, dont les prix ont diminué de façon massive sur les 10 dernières années, moins 85% en 10 ans pour le solaire et pour l'éolien. S'agissant des combustibles fossiles plus particulièrement, le rapport va plus loin puisqu'il constate que si on prend l'ensemble des centrales de production d'électricité au charbon, au gaz naturel et au fioul qui existent aujourd'hui, ou celles qui sont planifiées, et qu'on suppose qu'elles produisent jusqu'au terme de leur durée de vie théorique, eh bien là, on émettrait à ce moment-là plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que le budget carbone dont on dispose pour rester en deçà de 1,5 et à peu près autant de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que le budget carbone dont on dispose pour aller à 2 degrés. Dit autrement, il n'est pas possible d'atteindre 2 degrés et a fortiori 1,5 sans fermer de façon prématurée les centrales au charbon d'abord, mais aussi progressivement au fioul et au gaz naturel. Et donc de fait, laisser une partie significative des combustibles fossiles dont on dispose dans le sol. Quelles sont les autres priorités en dehors de la question énergétique aujourd'hui? Quels sont les autres leviers que vous avez identifiés pour résoudre en fait cette crise? Non seulement de regarder les options disponibles secteur par secteur, mais aussi de regarder quelles sont les barrières qui aujourd'hui font que ces options ne sont pas déployées ou pas déployées suffisamment vite. Il y a évidemment des questions de financement qui ne sont pas suffisantes, d'innovation qui n'est pas suffisamment rapide, des politiques qui ne sont pas forcément suffisamment en place, on en a parlé. Le rapport insiste aussi beaucoup sur les enjeux institutionnels et les blocages, les barrières que cela peut apporter. Par exemple, le fait que vous ayez des niveaux de décision politique géographique entre l'échelon national, les échelons régionaux et locaux qui n'aillent pas dans le même sens, ou à l'intérieur d'un pays, des ministères qui ne travaillent pas, ou des agences qui ne travaillent pas de façon coordonnée. Le ministère de l'écologie, de la transition écologique qui perd de nombreux arbitrages à Matignon. Alors, le rapport ne va pas regarder... C'est un exemple. Mais en tout cas, effectivement, de coordination qu'on retrouve dans... Ce qui est frappant, c'est de voir que dans de très nombreux pays du monde et dans de très nombreux situations, ces barrières institutionnelles sont importantes. Et ça appelle à des travaux assez fins sur la façon dont on s'organise et dont on dessine les politiques publiques. Il y a aussi le sujet du méthane. Vous dites aujourd'hui qu'il faut une action aussi sur le méthane. Ça signifie également peut-être... sur l'élevage, réduire, enfin vous parlez de sobriété à l'instant, réduire aussi notre consommation de viande. Ce sont des choses sur lesquelles aussi que vous traitez. Alors oui, bien sûr. Ce que montrent les estimations dans la littérature, c'est sur les 40 à 70% de réduction d'émissions jusqu'à 2050, la nourriture est classée en premier, suivie par la mobilité, et puis après le bâtiment, puis l'industrie. Donc vous voyez, c'est un enjeu très très important. Et après, parmi les questions qui sont soulevées par la littérature, bien sûr, comment nourrir des milliards de personnes de façon sobre. C'est un sujet là avec la crise en Ukraine, justement, on est en plein dedans. Voilà. Nous, on regarde pas la crise en Ukraine, on regarde pas des trucs particuliers comme ça. Mais effectivement, la nourriture, la production de la nourriture et des biens et services est quelque chose qu'on a regardé plus précisément. Repenser nos territoires également, nos villes. Oui. Alors, je voulais rebondir sur un point qu'avait signalé Franck. En fait, il y a parmi les barrières, il y a cette histoire, on appelle ça la gouvernance de la transition, en fait, ou de la décarbonation. Donc, si je reviens au point sur la sobriété, bien souvent, ce que la littérature montre, c'est que il y a des villes qui ont essayé ou qui essayent de mettre en place des mesures de sobriété, sauf que les politiques climatiques, elles ne sont pas faites au niveau des villes, elles sont faites au niveau des pays ou peut-être au niveau des régions. Une région, par exemple, comme l'Europe serait une région. Donc vous voyez, une ville a beau avoir une ambition climatique d'introduire les meilleures pratiques, etc., elle peut très facilement se retrouver coincée parce que l'échelon national ne permet pas, non seulement ne l'a pas prévu, mais ne permet pas. Il y a des blocages institutionnels qui font que nos territoires ne peuvent pas aller aussi loin qu'ils le souhaitent pour ceux qui ont essayé d'aller aussi loin. Et justement, parce que là, c'est vrai qu'au niveau des compétences, les collectivités territoriales, les communes n'ont pas forcément le droit a les compétences pour, mais ceci dit, vous dites dans le rapport qu'il faut aussi repenser au niveau local, notamment pour réduire les îlots de chaleur. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Quels sont les leviers? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a effectivement une insistance sur le fait que dans le cas de l'aménagement des villes, mais plus largement, sur la coordination entre les échelons et le fait que des initiatives, un certain nombre d'initiatives, y compris dans le déploiement de technologies d'ailleurs, peuvent être plus efficaces si elles sont prises à des échelons fines que plus larges. L'enjeu, effectivement, est encore une fois de faire en sorte que les directions envoyées par l'échelon supérieur soient pas en contradiction avec ce qui est fait à l'échelon inférieur, ce qui est loin d'être simple. Le GIEC appelle à des changements majeurs, structurels, transversaux de nos sociétés finalement. Enfin, là, on parle de faire des mesures, de mener des politiques sur la question de l'énergie, sur la question de l'alimentation, sur notre urbanisme, nos villes, etc. Mais en fait, le problème, il est structurel. Donc ça demande des actions beaucoup plus globales. Comment on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous préconisez, vous, dans le groupe 3? Alors, d'abord, une petite précision, peut-être, le GIEC n'appelle pas à faire, le GIEC fait un état de la science, de la littérature, et donc après, c'est au gouvernement de prendre la décision de faire. Le GIEC ne fait pas de recommandations. Et le GIEC... Vous synthétisez l'état de la connaissance scientifique. Voilà, l'état de la connaissance, et on alerte les gouvernements sur les barrières identifiées, sur les leviers, on informe sur les leviers, comme c'est inscrit dans la connaissance au jour d'aujourd'hui. Oui, mais à partir de cette littérature scientifique, je sais, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, que le GIEC, vous ne tranchez pas, mais vous avez quand même un avis là-dessus en tant que scientifique. Peut-on réellement réussir tout cela, tout ce que vous dites aujourd'hui, réussir à revoir totalement notre façon de produire notre énergie, notre alimentation, etc., sans une critique radicale aussi de la société, de nos modes de production, de notre économie, sans remettre en cause finalement ce fonctionnement libéral qui régit notre monde? Vous, en tant que scientifique, peut-être pas en tant que membre du GIEC, mais en tant que scientifique, est-ce que à partir de l'état de la connaissance scientifique qu'on a aujourd'hui, on peut se prononcer là-dessus? Alors moi, je sais que la crise du coronavirus est une crise très grave, mais la crise du coronavirus m'a redonné espoir en tant que scientifique, parce que j'ai vu les gouvernements agir, agir d'une façon qui a remis en question. Enfin, on n'aurait jamais pu imaginer le confinement de l'Europe. C'était inimaginable. Et pourtant, ils l'ont fait. De l'Europe et du monde. Et du monde, mais je veux dire, et du monde, de plusieurs parties du monde. Et pourtant, ça a été fait. Ça a été fait et on a trouvé un moyen, en tant que société, de nous organiser pour continuer à vivre, à subvenir aux besoins principaux, on va dire, sans pour autant tout casser. Du coup, c'est pas en tant que GIEC que je dis ça, mais en tant que scientifique et citoyenne, je pense que s'il y a de la volonté politique, on peut le faire. C'est faisable, parce que les solutions sont là. On n'a pas besoin d'attendre, encore une fois, des technologies qui vont être inventées pour faire des choses dont on n'est pas très sûr, mais il faudrait qu'il y ait cette volonté politique-là pour pouvoir agir, et pour pouvoir... alors, vous disiez... Est-ce que ça remet en question notre mode de production, etc. On est face à une crise grave, à une crise climatique. Donc, on a le choix entre faire en sorte que la vie puisse continuer sur Terre et à ce moment-là, remettre en question certaines choses ou faire les choses différemment ou alors aller droit dans le mur. Et ce que ce rapport-là montre, que si on ne commence pas à baisser nos émissions, il confirme ce qui avait été déjà montré par le précédent rapport, si on ne baisse pas nos émissions pendant cette décennie-là, ça va coûter plus cher et il y aura beaucoup de phénomènes climatiques, comme l'a montré le rapport 2, qui vont s'accentuer et dans toutes les régions du monde, même en Europe par exemple. Et c'est une question de survie pour nos sociétés, mais même pour l'espèce humaine et de nombreuses autres espèces. Est-ce que vous êtes d'accord, Franck? Alors peut-être je voudrais revenir sur un point, sur le caractère systémique du changement qui est des transitions. Qui sont de fait décrites dans le rapport. Il y a un point important, c'est que le rapport essaye aussi reconnaît aussi que les sociétés ont dans le monde entier ont d'autres objectifs que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout ça éducation. Peut pas se faire sans conflictualité, finalement. Alors, et en tout cas, il y a de fait accès à la santé, à l'éducation, à un niveau de vie décent. Il y a beaucoup de millions de personnes sur la planète qui sont aujourd'hui dans des conditions de pauvreté extrême et qui n'ont pas accès à un niveau de vie décent et pour lesquelles c'est une priorité majeure devant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et la décision politique, c'est de faire des compromis entre toutes ces demandes légitimes légitimes, ces demandes légitimes. Et ce que le rapport essaie de regarder, c'est dans quelle mesure il est possible, éventuellement, d'articuler le fait d'avancer sur la réduction des émissions, mais aussi d'avancer vers ces autres priorités, dont on peut aussi considérer qu'elles sont pas, on n'y est pas, et de loin. Première chose, la littérature nous montre, ça de façon très forte, que faire sortir de la pauvreté et arriver à un niveau de vie décent, minimal, les populations qui aujourd'hui dans le monde n'y sont pas, et le faire rapidement, ça c'est pas du tout incompatible avec un monde bas carbone. Ça c'est un message extrêmement important pour un grand nombre de pays, mais aussi dans nos pays à nous, où toute la population n'a pas forcément accès à ce niveau de vie décent, la première chose. La deuxième chose ensuite, c'est qu'on essaie d'explorer, la littérature commence à explorer des options par lesquelles on peut essayer de combiner les deux. Je vais prendre un exemple qui est celui du logement. Trouver un logement décent, abordable, pas trop loin d'un centre-ville et pas trop loin de son travail, ça fait partie des aspirations de beaucoup de gens, je pense, de beaucoup de gens qui nous écoutent. Et c'est pas forcément facile quand on voit les hausses des prix vertigineuses dans les centres-villes, des grandes métropoles. S'attaquer à ce type de problème, donc c'est des politiques de logement, d'aménagement de la ville, etc., ça a priori rien à voir avec le climat. Pourtant, si les gens ont la possibilité de se loger de façon pas trop chère, proche de leur travail, eh ben, vous réduisez, ils ont moins besoin de se déplacer. Bref, vous réduisez la demande en transport et donc la demande de la demande. Donc ça facilite. Voilà, si tu permets, si on fait ça et qu'on construit des logements bas carbone, donc vous réduisez également l'empreinte carbone des logements tout en réduisant l'empreinte carbone transport. Vous voyez, vous pouvez faire les deux. Donc, vous offrez aux gens des logements décents avec une mobilité du 21e siècle à bas carbone. Voilà. Et donc là, on est bien dans un endroit où on essaie d'aller de front vers la réduction des émissions, mais aussi la satisfaction d'autres objectifs que se donnent les sociétés. Et par rapport à ce que vous dites aussi, il faut souligner que le rapport, il dit également que tous ne sont pas également responsables de la même manière de cette situation. Vous pointez du doigt notamment 10% de la population dont les revenus se situent comme les plus élevés, responsables de 34 à 45% des émissions mondiales, des ménages liés à la consommation. Il y a donc de véritables inégalités climatiques, environnementales et une inégale responsabilité. Ça, c'est clair. Les chiffres le montrent. Ce sont les pays dits industrialisés. Le changement climatique est le résultat de l'industrialisation carbonée. Oui, parce qu'aussi, il a une contribution historique depuis 1850 de certains États, dont le nôtre, la France. Dans la France. C'est le résultat de l'industrialisation carbonée de certains pays, donc d'un petit groupe de pays. Lorsqu'on regarde à l'échelle mondiale, c'est un tout petit groupe qui nous amène vers cette crise-là. Et après, aujourd'hui, donc il y a une responsabilité historique. Il se trouve que malheureusement, ce sont les pays qui sont le moins responsables historiquement qui ont été les premiers à être impactés et c'est là où il va y avoir le plus d'impact très rapidement. Et après, même au sein de ces pays-là industrialisés, ce sont les personnes avec les revenus les plus élevés qui continuent à polluer, qui polluent. Le rapport est très important entre ces pays-là. Donc ce n'est pas sur leur mode de vie à eux, leur consommation à eux qu'il faut d'abord agir, quoi. C'est-à-dire que ceux qui émettent le plus, ceux qui consomment le plus, etc., si on dit que ce sont les 10% les plus, des revenus les plus élevés, c'est peut-être sur ce champ-là qu'il faut d'abord agir. Est-ce que c'est aussi ce que vous dites ou pas ? Non, en fait, non. Il faut agir sur tous les champs, sur l'ensemble, parce que D'accord. C'est pour ça qu'on parle de changement systémique. Oui. Changement systémique, vous n'allez pas le faire pour 5 ou 4% de la population. Changement systémique, c'est pour l'ensemble de l'économie mondiale qu'il faut le faire. Oui, il y a un grand champ, un grand volet là-dedans d'ailleurs, c'est celui de la finance, comment d'ailleurs on finance tout ça. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure du Covid, mais à ce moment-là, on a vu qu'il y avait de l'argent pour mener des grandes politiques d'ampleur. De l'argent, vous dites qu'il y en a. L'argent, c'est le nerf de la guerre finalement pour mener pour mettre en place toutes ces mesures. Ça tombe bien. S'il y en a, on peut financer toutes ces politiques publiques pour inverser la tendance. C'est effectivement un sujet majeur. Il y a un chapitre entier qui est dédié à la question du financement de la transition bas carbone. Ce que le chapitre pointe, ce travail et la littérature pointe, c'est que d'abord l'épargne, il y a de l'épargne disponible à l'échelle globale, mais que la difficulté est de trouver des façons de l'orienter vers des projets bas carbone plutôt que vers d'autres activités. Et donc le rapport évalue toute une série d'options qui permettent de le faire. Alors, pas rentrer dans le détail de mécanismes qui permettent de faire cette orientation, en constatant d'une part donc effectivement il peut y avoir des augmentations des budgets publics, mais que ceux-ci sont limités, en particulier dans les pays du Sud dont la dette s'est accrue pendant la période dans la période du Covid, et que en constatant aussi un accès très inégal au capital pour faire financer les projets dans bon nombre de pays. Vous avez pas les ressources domestiquement. Il est très difficile de trouver les ressources, même si vous avez de bonnes idées pour faire des projets. Une municipalité qui veut faire des projets de réduction de ses émissions, des projets bas carbone, elle va avoir du mal à trouver ses financements. Donc là, effectivement, il y a toute une série de propositions qui sont discutées, qui relèvent, par exemple, des garanties publiques qui iraient vers les projets bas carbone. La grande difficulté, c'est qu'elle demande une coordination internationale pour pouvoir être mise en place et assurer les transferts dont on a besoin. Notamment à la COP26, à la dernière COP, il y a eu un sujet aussi dont on a beaucoup parlé. Enfin, vous parliez à l'instant de la responsabilité historique de certains États. On a beaucoup parlé de la compensation à l'automne dernier au moment de la COP. Et ça sera un sujet d'ailleurs à la prochaine COP en Égypte. Il y a aussi cette situation dans laquelle peut-être certains États devraient contribuer plus que d'autres aujourd'hui en solidarité, en soutien à des États qui sont en première ligne face au changement climatique. Alors, il y a déjà le fait que quand il y a eu l'accord de Paris, les pays qui sont responsables de la carbonation du monde se sont mis d'accord pour soutenir financièrement les pays en développement avec des montants qui ne sont jamais arrivés dans ces pays-là. Donc la première des choses, justement, c'est de tenir ses promesses. Et ce que la littérature pointe, c'est que les pays en développement sont en demande de cette aide-là parce que pour monter en compétences, pour avoir accès aux technologies, tant que ça n'est pas fait, ces pays-là, qui sont malheureusement les pays les plus touchés par le changement climatique au jour d'aujourd'hui, si on ne fait pas le transfert financier, si on ne tient pas sa promesse, ça ne va pas se faire. Et la conséquence de ça, c'est que dans ces pays-là, on le voit maintenant, par exemple, avec la crise ukrainienne, il y a un problème de nourriture. Donc, on commence déjà à voir les effets. Si vous voulez, la crise ukrainienne, c'est un avant-goût de ce qui pourrait un peu se produire si on continue dans cette voie-là. Donc, il y a des pays... moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'en Tunisie, ils ne pouvaient plus se nourrir. La Tunisie n'a jamais connu ça. Les printemps arabes ont commencé en Tunisie sur une question de crise alimentaire. Voilà. Et donc après, et de flambée des prix. Voilà. Et après, c'est une cascade d'événements. C'est ça. Et ça, je pense que c'est très bien montré aussi dans le rapport 2. C'est si on décarbone pas, donc on va arriver à des situations comme ce que certains pays sont en train de connaître aujourd'hui pour une autre raison, en raison de la crise ukrainienne. S'il y a la famine, ben les gens vont bouger. Si les gens vont bouger, on va avoir des conflits régionaux, de plus de conflits régionaux. Et puis après, s'il y a plus de conflits régionaux, ben les gens vont bouger, c'est naturel, c'est humain, enfin, c'est la nature. La nature fait que les êtres, pas juste les êtres humains, quand ils sont en danger ou quand ils sont en manque de nourriture, ils bougent pour aller, pour se protéger et pour chercher à nourrir leur famille. Donc c'est ça qui va se produire, c'est ça qui risque de se produire. Ce rapport, il est sorti avec un peu de retard. La session d'approbation, elle a duré 13 jours, je crois, elle a duré 2 semaines, il me semble. La dernière session, elle a démarré samedi 2 avril à 7h, pour s'achever dimanche 3 avril à 22h. Peut-être vous pouvez confirmer, il y a eu un marathon, si les informations sont bonnes, de près de 40 heures. Bon, moi, d'ailleurs, je peux vous dire, en tant que journaliste, j'ai attendu des heures qu'on nous envoie le rapport, parce que normalement, on doit le recevoir un peu avant, sous embargo, pour qu'on ait le temps de l'étudier avant qu'il ne soit rendu public. Et puis on a été un peu mis au courant au dernier moment que finalement il y aurait du retard et qu'il serait envoyé que le lendemain. Qu'est-ce que cela signifie du côté est-ce que c'est parce que ce rapport, c'est aussi peut-être le groupe 3, le rapport le plus politique, ça a bloqué lors de la session d'approbation? Alors, je crois que c'est effectivement le groupe 3 touche au politique de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'est lui qui est le plus proche de la décision. Voilà, parce que nous, on s'est dit, là, on se doutait que ça a dû être assez intense, quoi, les discussions. Et c'est, alors, toutes les négociations du rapport du GIEC et, a fortiori, des rapports du groupe 3 sont compliquées. Celle de 2015 l'avait déjà été. Mais là, c'est un retard historique dans le GIEC. Oui, alors après, on était aussi, c'était aussi la première fois qu'on était en visioconférence et pas en conférence réelle. Donc, il y a il y a difficile de comparer, voilà, donc c'est pas forcément très comparable. Mais de fait, ça a suscité beaucoup de discussions. J'y vois quelque chose de positif, en fait. C'est que des gouvernements qui passent autant de temps et d'énergie à se battre sur le texte, ça veut dire que pour eux ça compte, que le texte lorsqu'il sort, il a un impact. Les gouvernements savent qu'il a un impact et donc négocient dessus. Donc je pense que c'est pour moi cette durée là, elle est positive. Et la dernière chose, je rappelle quand même que les discussions à la fin sont quand même les auteurs qui ont le dernier mot. Peut-être juste un point là-dessus. C'est vrai que le marathon de la dernière ligne droite a été très dur physiquement. J'ai pas encore complètement récupéré, c'est ce que je disais à Franck. Mais après, moi, je pense que l'expérience du GIEC et de l'approbation est une expérience unique au monde. Donc, on est allé point par point, phrase par phrase, mot par mot, et les gouvernements nous demandent d'être plus clairs. Parfois, on a reformulé, mais pour être plus clair. Parfois, on a rajouté des footnotes, par exemple sur la sobriété, et ça, c'est un miracle, on a rajouté ça pour être plus clair. Le rapport est difficile à lire, hein, quand même. Oui. Alors, il faut prendre son temps. Le résumé pour les décideurs était quand même pas évident, j'ai trouvé. Il faut prendre son temps. Moi, j'ai l'habitude de lire ce genre de documents, mais il faut prendre son temps. Après, je pense qu'il faut, regarder qu'est-ce que ce rapport-là signifie pour l'avenir. Il a été approuvé par, si je ne me trompe pas, 195 pays. On avait des représentants des pays qui restaient là 24 heures sur 24, le jour où on a dû nous rester aussi pendant les 40 heures. Il est approuvé et donc pour moi, c'est un rapport, parce qu'il est approuvé par les gouvernements, donc c'est un rapport, ce qui va venir après, c'est l'action des gouvernements. Oui, parce que maintenant, c'est entre les mains des politiques, voilà. et du pouvoir politique. Voilà, donc les politiques, ils avaient leurs conseillers pour travailler sur le rapport, et maintenant, ils vont en faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas passer autant de temps sur un rapport comme celui-là, et après, s'en laver les mains. Et donc, c'est plutôt cet aspect-là, moi, qui m'intéresse, que c'est la suite qui m'intéresse, plus que les 40 heures qu'on a passées. Oui, je pense que c'est vraiment important, parce que la particularité des rapports du GIEC par rapport à d'autres types de rapports scientifiques, c'est que il n'est pas juste signé par les auteurs, le rapport de base est signé par les auteurs et les scientifiques, mais le résumé, lui, il est validé et approuvé par les gouvernements. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que il s'engage quelque part, et donc rejoins vraiment. Oui, sur l'ensemble des phrases qui sont des mots qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est extrêmement important, parce que derrière, de fait, ça les engage et ça peut être retenu contre eux d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, le président du GIEC a déclaré lors de la conférence de presse qui a suivi la publication du rapport, c'est maintenant ou jamais, nous sommes à la croisée des chemins. Il montre aussi l'importance de ce rapport. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on prend la mesure des faits aujourd'hui, en tant que scientifique, est-ce que vous avez la sensation d'être écouté, d'être entendu, que ces rapports ont vraiment de l'écho? Parce que on se souvient, le précédent rapport, il a quand même été assez peu médiatisé. Celui du groupe 1, il a fait moins parler que la venue de Lionel Messi au PSG. Et là, à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, on interroge assez peu, finalement, les candidats à cette élection présidentielle sur les conclusions de ce rapport. J'ai regardé les matinales qu'ont suivies, celles de mardi, se sont assez peu saisies. Les émissions politiques ont très peu abordé. On peut parler de celle qu'il y a eu sur France 2, où 5 candidats ont été interrogés. La question du GIEC, du rapport, a été très peu évoquée. Pourtant, c'est seulement 2 jours après la sortie de ce nouveau document. Franchement, est-ce que vous avez la sensation, même si vous, en tant que scientifique, vous êtes invité sur les plateaux de télé, le fait que les politiques ne soient eux si peu interrogés là-dessus, est-ce que vous avez la sensation d'avoir de la portée suffisante là-dessus? Pour qui je peux y aller Alors, je dirais que nous, en tant que scientifiques, on a fait notre job. Maintenant, c'est à vous, journalistes, de faire votre job pour que les politiques fassent leur job derrière. Donc les politiques, en fait, les gouvernements ont fait leur travail aussi en travaillant sur l'approbation du rapport. Et maintenant, moi je dirais quand le rapport du GIEC, les conclusions principales du rapport du GIEC ne sont pas dans les matinales, je dirais que c'est d'abord la faute des journalistes. Je suis désolée de vous dire ça. Oui, non, mais la question c'est vous. Est-ce que du coup vous avez l'impression que les politiques aussi ils vous entendent, ils vous écoutent? Est-ce qu'ils, je sais pas, peut-être ils vous reçoivent? Est-ce que vous aussi, en tant que scientifique, vous arrivez à les confronter à ces données? Comment vous ressentez tout ça? Est-ce que, enfin, je veux dire, par exemple, on dit qu'aujourd'hui que la jeunesse, elle est éco-anxieuse. On a vu des jeunes de Youth for Climate interpeller Emmanuel Macron lors de l'un de ses déplacements de campagne à Pau, et lui, il a répondu faut pas être éco-anxieux, faut être éco-réaliste. Mais vous, est-ce que vous comprenez ceux qui disent aujourd'hui on est éco-anxieux, parce qu'on a l'impression que les politiques finalement nous entendent pas? Alors, on comprend les jeunes. Moi, en tant qu'enseignante, j'ai des jeunes et ils me posent souvent la question. Ils me posent deux questions en général, les jeunes. Et j'enseigne justement sur les risques climatiques, par exemple. Et ils me posent deux questions. Ils me disent j'aimerais contribuer à réduire. J'aimerais avoir un métier. Est-ce que vous pouvez m'aider pour m'orienter pour que j'ai un métier qui aille dans la bonne direction? Donc ça, c'est une première question que les jeunes en général me posent. Et l'autre question, c'est comment faire pour que ça bouge, pour qu'on n'aille pas vers ce qui est décrit dans les rapports. Donc du coup, moi, je comprends les jeunes, et en tant qu'enseignante, je suis toujours... vous savez, quand vous enseignez les risques climatiques, j'enseigne, en plus, j'ai ce cours-là le vendredi à Sciences Po, c'est assez déprimant d'enseigner les risques climatiques. Alors, essayez d'en faire quelque chose de pas déprimant à des jeunes qui ont 20 ans. Moi, quand j'avais 20 ans, heureusement que j'ai pas eu ça comme cours. Ceci dit, c'est très bien qu'on enseigne ça, mais heureusement que c'était pas ce qu'on nous enseignait à l'époque. Parce que on est face... Enfin, moi, je suis face à une situation où je dois former, mais tout en restant positif, tout en donnant de l'espoir à cette jeunesse. Des solutions. Donc moi, comme je travaille sur l'atténuation, donc je travaille sur les solutions, alors je répète tout le temps que c'est faisable, mais encore une fois, pour que ça se fasse, il faudrait de la décision politique, il faudrait de la volonté politique derrière. Voilà où on en est. Mais du coup, vous comprenez, par exemple, les jeunes qui ont ce slogan aujourd'hui, écouter la science, popularisée notamment par Greta Thunberg, toutes ces marches, toutes ces manifestations, vous dites, en fait, finalement, vous dites quoi? D'abord, il y a vraiment, et là, il faut que nous, on fasse attention à la façon dont on rédige les choses et la façon dont ensuite elles sont passées. Le fait qu'on ait retenu cette date de 2025 en disant finalement, on a 3 ans pour, et sinon c'est la catastrophe, ça me semble typique de la fausse bonne idée. Ouais. On met encore l'alerte sur une date qui, en fait, n'est pas scientifiquement fondée, de dire que si au-delà de 2025, on n'est pas arrivé au pic, alors c'est la fin du monde, c'est juste pas vrai. Par contre, on met en avant de ce rapport le message, la partie en dessous du message, et pas la partie qui me semble essentielle, et je partage vraiment ce que dit Yamina sur le fait que quand rencontrant tous les plus jeunes, leur demande c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'engager, etc. Et là, il y a quand même énormément de matériel. On a vraiment passé, encore une fois, 4 ans, 276 auteurs, 18 000 références scientifiques analysées, des milliers d'auteurs contributeurs, à éplucher tout ce qu'on sait aujourd'hui scientifiquement sur les options, en disant, regardez, il y a des choses. Donc moi, mon espoir, c'est que on s'arrête pas à la vague de la sortie du rapport et de 2 jours après, mais que on revienne sur ce matériel. Il ne faut pas en avoir peur, même si c'est 3000 pages. Alors, ça peut paraître extrêmement terrorisant, ouais. Mais en fait, non. Et il faut utiliser les auteurs comme nous, aussi comme des poteaux indicateurs. Nous, on est des gens qui connaissons à peu près l'endroit où les choses se trouvent. Mais voilà. Là, il y a des choses. Là, vous pouvez trouver des informations pertinentes pour votre décision. Voilà les gens qui ont travaillé vraiment dessus, qui sont les vrais spécialistes. Non, pas nous, parce qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble. Mais voilà, je pense, s'il y avait un message à faire passer, c'est plongez-vous dedans, essayez de le lire, de vous en emparer, vous étant tous les auditeurs. Vous essayez d'insuffler de l'espoir, mais quand même, quand on lit ces 3 rapports là, de ce 6e cycle, on se dit qu'on n'a jamais été autant au bord du précipice. Enfin, moi, je pense souvent à cette phrase de Karl Marx, par exemple, qui disait que le capitalisme est son propre fossoyeur. Là, j'ai l'impression, plus que jamais, quoi. Oui, mais encore une fois, nous, on travaille sur les solutions. Donc, ça, c'est un fait qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. Mais il y a aussi un autre fait qu'on doit garder en tête, c'est qu'on peut changer de trajectoire avec les solutions qui existent déjà. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au fait que la trajectoire ne soit pas bonne. Il faut surtout aller vers la deuxième partie de ma phrase qui dit qu'on peut changer de trajectoire. Il n'est pas trop tard aujourd'hui pour changer de trajectoire. Donc, changeons de trajectoire. Et vous avez fait référence au mouvement

ma France. Il est 20h, voici notre estimation. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Il est 20h, voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position. Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1% devant Marine Le Pen. Depuis le choc du 21 avril 2002, la menace de l'extrême droite au pouvoir n'a jamais été aussi réelle. Rappelons ici qu'au premier tour, les droites radicales ont fait près de 32,3% des voix, du jamais vu sous la Ve République. Marine Le Pen se qualifie pour le second tour avec plus de 8 millions de voix. Et si aujourd'hui, Emmanuel Macron se place devant la candidate dans la plupart des sondages, ils sont en réalité bien incapables de prédire ce qui pourrait se passer le 24 avril, étant donné l'incertitude et le désarroi dans lequel se trouvent de nombreux électeurs et électrices. La question que beaucoup se posent peut-être, Marine Le Pen est-elle d'extrême droite? Voilà. Au deuxième tour de cette élection, on a une candidate d'extrême droite, Marine Le Pen. Elle est d'extrême droite, on peut le dire textuellement comme ça? À l'heure où les chaînes d'information en continu se demandent si Marine Le Pen est d'extrême droite, il nous semblait important chez Blast de vous donner à voir ce qu'impliquerait très concrètement l'accession du Rassemblement National au pouvoir. Quel est le programme de Marine Le Pen? À quoi ressemblerait la France si elle était présidente? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et spoiler alerte, oui, Marine Le Pen est d'extrême droite. Je considère qu'elle est d'extrême droite et ce qui est très intéressant, c'est la manière dont les Français eux-mêmes la positionne sur une échelle gauche-droite. Quand vous leur demandez sur une échelle de 0 à 10, 0 vous êtes très à gauche, 10 vous êtes très à droite, où est-ce que vous positionnez, non pas vous-même, mais les candidats, Marine Le Pen, en moyenne, elle est à 8,8. Donc elle est à l'extrême droite pour 65% des Français, y compris pour une partie de son propre électorat. En préambule, je tenais à préciser une chose. Chez Blast, nous avons régulièrement commenté la politique d'Emmanuel Macron, qui, en tant que président en exercice, a un bilan à défendre. Nous avons donc fait plusieurs vidéos de décryptage pour analyser ce bilan, en termes économiques, écologiques, sur les questions des libertés, mais aussi sociales, etc. Mais, en cette période d'entre-deux-tours, il nous semblait essentiel de se pencher sur le projet politique de Marine Le Pen. Car sa candidature a été banalisée et normalisée par celle d'Éric Zemmour. Et ce n'est pas anodin. Certaines émissions ont aussi contribué à rendre la femme politique très sympathique et à presque en faire oublier son programme fondamentalement d'extrême droite, en mettant en avant sa passion pour les chats et son goût du jardinage. Je remarque que quand des gens ils prennent un chat, quand ils me prennent un bébé, après ils disent oh, « je pourrais pas m'en passer ah, ». Moi non plus, je peux pas m'en passer. Miss Bonne Humeur, ça revient tout le temps. Oui, mais je suis une femme joyeuse. Moi, j'aime rire, j'ai souvent le sourire aux lèvres, et quand je suis sur les plateaux de télévision, ouais, je défends des idées, j'ai l'image de quelqu'un de sévère, ouais, parfois même de dur. Mais c'est peut-être vous aussi, vous dites, je sais pas, quand vous passez la porte d'un studio de télé, où vous devez avancer vos idées, peut-être que vous vous mettez l'armure aussi. Peut-être que vous dites, allez, Dark Vador, on y va, quoi. Peut-être. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les idées. Alors, venons-y. Sur le livret que tous les électeurs ont reçu chez eux en vue du vote du premier tour, Marine Le Pen détaille son programme en quatre grands points. Augmenter le pouvoir d'achat, relancer l'économie et défendre le modèle social, rétablir votre sécurité et stopper l'immigration, et faire respecter la France et les Français. Sur cette double page, choisie pour l'envoyer à 48 millions d'électeurs, on peut déjà noter qu'il n'y a absolument rien sur l'écologie. Et vous savez que c'est mon sujet. À l'heure où le sixième rapport du GIEC est plus alarmant que jamais et appelle à prendre des mesures immédiates et dans tous les secteurs, pour garantir un avenir vivable à toute l'humanité, pour Marine Le Pen, l'écologie n'est pas une priorité. Si le programme détaillé, lui, parle d'écologie, il n'est absolument pas à la hauteur du défi. Bien que la candidate ait précisé récemment qu'elle ne sortirait pas de l'accord de Paris, selon la plupart des analyses et comparateurs de programmes, ces mesures sont contraires à cet accord. Si beaucoup sont jugées insuffisantes, certaines sont même considérées comme défavorables. Elles ne permettent pas d'abandonner les énergies fossiles et risque même d'augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. À la veille du premier tour, nos confrères de Mediapart ont demandé à une douzaine de représentants de la société civile de décrire les dégâts que produirait une présidence d'extrême droite. Et le résultat est vertigineux à tous les niveaux. Nathalie Théot, avocate et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme, déclare « Le cadre d'un état de droit est menacé. Leur logique, c'est de s'affranchir de toute garantie et de recours possible aux juges, c'est l'instauration d'un État policier où la police détermine ce qu'elle peut faire. Marine Le Pen veut non seulement augmenter le nombre de policiers et de gendarmes, mais surtout leur donner plus de pouvoir. Par exemple, avec la présomption de légitime défense des policiers. Les policiers pourront s'affranchir des conditions qui encadrent l'usage de leurs armes ou de la force en général. Les familles de victimes de violences policières pourraient donc ne plus pouvoir porter plainte contre les policiers. Rappelons ici que Marine Le Pen a déclaré qu'il n'y avait pas de problème de violence policière après le mouvement des Gilets jaunes. La candidate veut aussi donner la possibilité aux policiers de porter plainte pour des attaques dont ils seraient victimes, tout en gardant leur anonymat. Ainsi, la personne mise en cause n'aurait pas la possibilité de vérifier la véracité des faits qui lui sont reprochés. Nathalie Thelliot le résume ainsi. Vous pourrez prendre 5 ans de prison ferme pour avoir poussé un policier dont vous ignorerez même l'identité. Au niveau démocratique, le programme de Marine Le Pen est extrêmement alarmant. Beaucoup d'analystes parlent de coup de force contre les institutions, la démocratie et l'état de droit. Prenons par exemple la question très actuelle des législatives. Car si elle est élue, Marine Le Pen pourrait ne pas avoir de majorité lors des élections de juin prochain. Pourtant, cela ne semble pas lui poser de problème, puisqu'elle compte bien le contourner. Si la nouvelle Assemblée nous est hostile, nous changerons la loi électorale par un référendum organisé dès l'été prochain, puis la présidente dissoudra l'Assemblée, a déclaré Gilles Breton, ambassadeur de la candidate et député européen du Rassemblement national. Marine Le Pen prévoit donc de proposer par référendum l'instauration de la proportionnelle intégrale. A priori, pourquoi pas? Mais là où c'est dangereux, c'est que la candidate veut y ajouter une prime majoritaire. En gros, pour éviter une Assemblée trop morcelée, sa proposition de scrutin à la proportionnelle prévoit une prime au vainqueur de 30%. Donc si, par exemple, le Rassemblement national arrive en tête avec 26% des voix, il disposera de 56% des sièges à l'Assemblée nationale. Un hold-up qui s'inscrit dans la tradition antidémocratique de l'extrême droite. Marine Le Pen entend aussi renouer avec la tradition plébiscitaire, en gouvernant par référendum pour donner l'illusion de plus de démocratie alors qu'il s'agit en réalité de la contourner. La candidate parle de révolution référendaire et a également proposé l'instauration du référendum d'initiative citoyenne en abaissant à 500 000 électeurs la barre de déclenchement d'un référendum. Une révolution référendaire qui inquiète Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite. La tradition plébiscitaire est tout sauf démocratique, puisqu'elle établit un lien direct entre le dirigeant et le peuple en écrasant l'espace des corps intermédiaires, du Parlement, des partis politiques, des associations, c'est-à-dire tout ce qui fait le tissu social. Le peuple est aussi appelé à s'exprimer dans le cadre d'une question posée de façon binaire, à laquelle il ne peut répondre que par oui ou par non. Dans une tribune au Monde, 4 professeurs de droit public alertent face au recours au référendum pour imposer le principe de la priorité nationale envisagée par la candidate. Ce projet politique consistant à violer la Constitution pour y inscrire, en faisant appel au référendum, l'idéologie nationaliste d'extrême droite portée par le Rassemblement national en dit long sur la manière dont Madame Le Pen envisage son accession à la tête de l'État. Ils ajoutent « Le respect du droit en tout ce qu'il commande est le seul rempart de nos libertés et de nos valeurs telles que les consacre la Constitution. » Enfin, ils s'inquiètent face à la volonté de la candidate d'attaquer l'État de droit comme l'ont fait ailleurs en Europe les dirigeants hongrois et polonais. Rappelons que Marine Le Pen et son parti ont maintes fois montré leur mépris pour les contre-pouvoirs, tels que les syndicats, les associations ou la presse. Mediapart n'a pas été accrédité à ces meetings pendant longtemps. Libération est parfois laissée à la porte et les journalistes de Quotidien n'y ont carrément pas accès. Et nous non plus. Écoutez, Quotidien me suit dans tous mes déplacements, etc. Mais en l'espèce, je ne l'accrédite pas dans mes conférences de presse, dans mon QG, pour une raison simple, c'est que je considère que ce ne sont pas des journalistes. Je considère que c'est une émission qui est une émission de divertissement. C'est vous, madame, qui décidez de qui est le journaliste ou pas? Vous voyez, je suis chez moi. Et quand vous serez présidente, c'est vous qui décidez qui est le journaliste ou pas? Vous savez, je suis chez moi, donc dans mon QG. Et dans mon mouvement, Monsieur de Libération, qui a toujours eu et été accueilli d'ailleurs, en toutes circonstances. Donc, voilà, cela fait, oui, mais bien sûr, mais cela fait des années. Cela fait des années, si, c'est moi qui décide. Au soir du premier tour, Marine Le Pen a prononcé un discours en faveur de la justice sociale. Clin d'œil à peine voilé aux électeurs et électrices de Jean-Luc Mélenchon. Mais qu'en est-il vraiment? Pour se distinguer d'Emmanuel Macron, elle a beaucoup insisté sur la question du pouvoir d'achat, préoccupation principale des Français en cette période d'inflation. La candidate se donne l'objectif de redonner entre 150 et 200 euros par mois par ménage de pouvoir d'achat. Ses propositions consistent en une baisse de la fiscalité et notamment de la TVA. Marine Le Pen promet aussi une TVA à taux zéro sur un panier de produits de première nécessité. Sauf que les répercussions d'une telle taxe seraient en réalité très faibles pour les ménages les plus précaires. En fait, l'Institut des politiques publiques s'est rendu compte que dans le meilleur des cas, 10% de la baisse est vraiment répercutée sur le prix. Ça veut dire que le cabinet Asterès a calculé que cette baisse, en prenant un panier un peu arbitraire, hein, la baisse de TVA représenterait environ 133 euros de gains par année et par ménage, si elle était intégralement répercutée. Mais s'il n'y a que 10%, c'est 13 euros par an et par ménage. Autant dire que c'est un peu l'épaisseur du trait. Cette TVA à taux zéro, qui s'appliquerait à tous, rapporterait 13 euros par an en moyenne pour les Français, 9 euros par an pour les plus modestes et 19 euros par an pour les plus aisés. Et la mesure coûterait 3,8 milliards d'euros à l'État, soit l'équivalent du budget du ministère de la Culture. Dans la même veine, la candidate propose d'abaisser la TVA sur les produits énergétiques et notamment le carburant, de 20% à 5,5%. Une mesure qui aurait un effet positif à court terme sur le pouvoir d'achat, mais qui nous enfermerait dans une consommation en hausse. Et serait donc, à terme, mauvaise pour le pouvoir d'achat, selon le think tank Terra Nova. Il conclut, cette crise des énergies fossiles ne ferait que s'empirer sous son mandat, pour le plus grand bonheur des pays producteurs de gaz et de pétrole. Pour Pascal Hébel, économiste et spécialiste de la consommation, les promesses de Marine Le Pen sont insuffisamment ciblées et donc peu efficaces. En effet, toutes ces mesures bénéficieraient aussi bien aux ménages les plus aisés qu'aux plus précaires. Il conclut, ces mesures ont un coût énorme et ne diminuent pas les inégalités. Le programme de Marine Le Pen sur le plan social, c'est fondamentalement une imposture. C'est-à-dire, par exemple, quand elle propose d'exempter la résidence principale de l'impôt sur la fortune immobilière, donc ça veut dire que les personnes qui ont un château à Saint-Cloud, comme la famille Le Pen, depuis un certain temps, qui peut valoir 5 millions d'euros, 10 millions d'euros, vont avoir une énorme baisse d'impôt sur la fortune immobilière, alors que les Français vont connaître des hausses de taxes foncières. Parce que vous savez, le plus gros impôt sur le patrimoine, c'est tous les gens qui ont des petits patrimoines, qui sont souvent endettés, et eux, leurs taxes foncières augmentent d'année en année, et tout le monde s'en contrefout. Donc il y a une imposture sur le plan social de Marine Le Pen qui, pour moi, ne fait aucun doute. Venons-en aux droits des étrangers. Bon, si vous êtes présidente, Marine, je dois faire ma valise ou pas ? Mais pour aller où ? Mais vous vous rendez compte que vous faites peur parfois ? Non, ce que je comprends, c'est que la caricature qui est faite du Front National, effectivement, s'affiche la trouille. Marine Le Pen a parlé d'immigration avec beaucoup de sérieux. Elle a proposé notamment un référendum sur l'immigration qui pose la question, évidemment, de la suppression du droit du sol. Effectivement, nous sommes pour la priorité nationale. Nous sommes pour que les demandes d'asile soient effectuées dans les pays de départ et non plus sur notre sol. Effectivement, nous sommes pour expulser les délinquants et criminels étrangers. Effectivement. Alors, si je peux me permettre. Dehors. Ce que propose concrètement Marine Le Pen est de limiter à l'extrême l'immigration, ce qui générera un climat de peur et d'insécurité déjà existant pour les étrangers vivant en France. Son projet de préférence nationale n'est rien d'autre qu'une discrimination légale assumée entre nationaux et étrangers pour accéder à l'emploi, à la fonction publique, au logement social, à l'hôpital ou aux prestations sociales. Pour cela, la première mesure de la candidate sera de soumettre par référendum un projet de loi, déjà rédigé, sur l'immigration et l'identité et qui guide sa politique. L'objectif ? Vider de son contenu une partie du préambule de la Constitution de 1946 et modifier au moins 6 articles de la Constitution de 1958. Comment ? Comme expliqué plus tôt, via référendum. Et pour cela, la candidate se base sur le précédent de 1962, qui avait permis au général de Gaulle de modifier la Constitution pour faire élire le président de la République au suffrage universel direct. Sauf qu'à l'époque, le général avait utilisé l'article 11 de la Constitution pour le faire et contourner le Sénat, ce qui est vu comme clairement inconstitutionnel et donc antidémocratique. Ce que Marine Le Pen propose, c'est une sorte de coup d'État, s'est indigné le constitutionnaliste Dominique Rousseau. Sans tenir compte des engagements internationaux de la France, Marine Le Pen veut restreindre de 75% les arrivées liées à la vie familiale et au droit d'asile. Parmi ses principales mesures, on peut citer la fin du regroupement familial automatique ou de l'acquisition automatique de la nationalité française par mariage, la réduction du nombre de naturalisations, l'impossibilité de régulariser les personnes en situation irrégulière. Le droit d'asile serait vidé de sa substance puisque la candidate veut que les demandes soient traitées dans d'autres pays. Et le droit du sol serait aussi remis en question. Dans les colonnes de Mediapart, Fanélie Carré-Comte, secrétaire générale de la CIMAD, déclare « Cela mènerait à une fracturation accrue de la société, à des tensions sociales toujours plus exacerbées et à des régressions sociales et démocratiques majeures pour des millions de personnes. Il faut interdire ce voile dans l'espace public, oui. Le sanctionner, bah, par définition. Une amende. Oui, je sais, c'est un petit peu comme quand on nous a forcé à mettre le masque, quand on ne le mettait pas, on avait une amende. Oui. Marine Le Pen, qui qualifie le voile d'uniforme islamiste, compte également l'interdire dans la rue. Là encore, la candidate fait un amalgame nauséabond entre musulmans et islamistes. Donc très concrètement, si Marine Le Pen est élue, Demain, une femme portant le voile dans la rue devra payer une contravention. On aura une contravention de la même manière qu'il est interdit de ne pas mettre sa ceinture de sécurité et il me semble que la police arrive très bien à faire appliquer cette mesure. Madame Le Pen, chacun d'entre nous. Le voile d'aujourd'hui, je vous invite à sortir dans la rue, d'aller dans des villes où il y a un certain nombre de gens issus de l'immigration et qui sont musulmans. Excusez-moi, mais moi, je vois tous les jours des jeunes femmes porter le voile où c'est moulant, où c'est très coloré. J'ai pas du tout l'impression qu'elles sont forcées à le porter ou que ça ne soit pas leur propre décision. Marine Le Pen met souvent en avant le fait qu'elle est une femme et va même jusqu'à se dire féministe. Pourtant, la version courte de son programme ne mentionne pas le mot femme et parmi les 16 livrets thématiques qui le détaillent, aucun ne se concentre sur les droits des femmes. La candidate du Rassemblement national apparaît plus inspirée par les questions liées à la famille et à la natalité. Elle y écrit « J'assume très clairement de faire le choix de la natalité, celui de la continuité de la nation et de la transmission de notre civilisation grâce à notre modèle familial. Il s'agit d'inciter les familles françaises à concevoir plus d'enfants. » Que propose la candidate ? Rien de très concret. Sur la lutte contre les violences conjugales, elle appelle à ce que les jugements soient rapides et les mesures de protection efficace. Mais elle ne donne aucune mesure concrète en termes de prévention, de formation, de protection et de prise en charge des victimes. La candidate aborde aussi la question du harcèlement de rue et propose un durcissement des sanctions avec l'inscription des personnes condamnées pour outrage sexiste au fichier des criminels et délinquants sexuels. Et ce flou n'est pas étonnant. Marine Le Pen ne s'est jamais préoccupée des droits des femmes et a d'ailleurs œuvré contre toutes les formes d'émancipation des femmes, à commencer par leur droit à disposer de leur corps. En 2012, lors de sa première campagne présidentielle, Marine Le Pen souhaitait dérembourser l'IVG et évoquait des avortements de confort. L'avortement de confort, qui est un terme qui a scandalisé tout le monde, qui est pourtant un terme utilisé par des médecins, semble se multiplier. Ce qu'on appelle les avortements répétitifs, c'est-à-dire deux fois, trois fois, il y avait une femme sur 10 il y a 10 ans, il y en a 2 sur 10 aujourd'hui qui se servent de l'avortement comme un véritable moyen contraceptif. Aujourd'hui, elle affirme ne plus être contre l'IVG, mais se dit défavorable à l'allongement de la durée de l'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines, qui a pourtant été adoptée en mars 2022. En tant que députée européenne, puis nationale, Marine Le Pen a systématiquement voté contre toutes les mesures visant à promouvoir l'égalité femmes-hommes. Marine Le Pen se défend aujourd'hui de remettre en cause le PACS, qu'elle voulait supprimer en 2016, elle qui s'opposait aussi au mariage pour tous. Vous assisteriez à un mariage homosexuel si des amis à vous étaient concernés ? Moi, je suis contre le mariage homosexuel. Non, probablement, je n'irai pas. Elle reste toujours, aujourd'hui, contre l'adoption pour les couples de même sexe. Et pour ce qui est de la procréation médicalement assistée, elle voulait la réserver au seul cas d'infertilité des couples hétérosexuels et exclure les couples de femmes. Mais maintenant que la loi est votée, elle a déclaré récemment. La société le réclame. Je n'ai pas vocation à m'y opposer, je ne pense pas qu'un enfant élevé par deux femmes soit moins bien élevé qu'un autre. Par ailleurs, les associations LGBTQIA+, s'inquiètent des conséquences qu'aurait l'accession de l'extrême droite au pouvoir. Rappelons qu'aux élections régionales de juin 2021, le RN avait publié un livret qui projetait de supprimer les subventions aux associations très orientées sur le vivre ensemble et les discriminations. En d'autres mots, les associations qui sensibilisent à l'égalité de genre, luttent contre le racisme et l'homophobie, ou assistent les immigrés. Enfin, je pourrais aussi vous parler d'international et de la complaisance de Marine Le Pen avec les dictateurs dénoncés récemment par une militante qui a fait irruption dans un de ses meetings. C'est de raccourcir. Bonjour, Boris, dans ce spécial de l'Ukraine, j'ai une question à part de Vladimir Poutine. Nous ne devons pas vous lui répondre plus. Vous lui manquez. Il veut savoir qu'il a besoin de vous, d'une alliée et surtout d'une alliée en Europe. Il est très triste. On a voulu juste rappeler que, en fait, Marine Le Pen présidente, eh ben, ce serait pas du tout la même position par rapport à l'Ukraine, ce serait pas du tout la même position par rapport à la Russie. Et là, dans cet entre-deux-tours, on a un peu l'impression qu'on croit que Macron ou Le Pen, c'est la même chose, que c'est soit l'ultralibéralisme, soit le racisme. En fait, non, avec Le Pen, on aura l'ultralibéralisme et le racisme. Et on a besoin, là, dans cet entre-deux-tours, de rappeler le danger qu'est le Front National. Poutine, assassin, Le Pen, complice. Rappelons que Marine Le Pen pose avec Vladimir Poutine dans un de ses tracts de campagne, qui avait été imprimé avant l'invasion de l'Ukraine pour montrer sa stature internationale. Cette relation avec Poutine, Benjamin Young l'a traité pour blast. La candidate RN veut sortir du commandement intégré de l'OTAN et prône un rapprochement stratégique de l'OTAN avec la Russie. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle jugeait la diplomatie de l'administration Biden trop agressive à l'égard de Pékin et ne souscrivait pas au catastrophisme climatique. Voilà ce que déclarait la candidate en 2017. Mais madame, la nation russe est une grande nation. The Russian nation is a great nation. They made their choice. Whether I like it or not, it doesn't really make any difference. Est-ce que la Russie doit être un allié? Should Russia be a model for France? No. Should Russia be an ally for France? Yes. Same thing with the United States. Does it not bother you that a big country broke international law and invaded and annexed a small country? I mean, that's the base of international law. Il y a eu un coup d'état en Ukraine. There was a coup d'état in Ukraine. That's what you think. Oui. Non, c'est pas mon avis. It's not just what I think, it's the reality. Au niveau européen, n'oublions pas que Marine Le Pen cultive depuis longtemps ses relations avec ses alliés, les partis populistes, souverainistes et d'extrême droite, avec qui elle travaille à constituer un grand groupe au Parlement européen. Par ailleurs, si Marine Le Pen a renoncé au Frexit qu'elle prônait en 2017, elle envisage bien, comme le propose son projet de référendum, d'engager une renégociation de nombreux textes de droit dérivés, voire des traités eux-mêmes. Autrement, la majeure partie de son programme ne serait pas applicable. Elle veut également s'extraire de certains avis et articles de la Convention européenne des droits de l'homme, pour pouvoir, par exemple, renvoyer les étrangers dans des pays où ils risquent la mort. Si elle le faisait, la France rejoindrait le club des États qui ne respectent pas les arrêts de Strasbourg, comme l'Azerbaïdjan, la Turquie ou la Russie. C'est la fin de ce décryptage, je n'ai malheureusement pas pu être exhaustive, mais je vous mets, comme d'habitude, plusieurs liens vers des articles et analyses pour aller plus loin, juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour comprendre ce que signifierait l'extrême droite au pouvoir. Car oui, Marine Le Pen est d'extrême droite. Pour que cette vidéo soit la plus vue possible, n'oubliez pas, comme d'habitude, de prendre un moment pour la liker, la partager, la commenter et vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous le rappelle, l'existence de Blast dépend de vous. Alors si vous le pouvez, soutenez-nous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast. Que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mer. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mer. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi. La stratégie de l'Union populaire, il faut la comprendre. Ce n'est pas juste un sigle. J'adjure qu'on comprenne que ma campagne n'est pas un coup de com'. La stratégie de l'Union populaire, c'est rassembler par la base, puisque les sommets ne veulent rien savoir, sur un programme, c'est-à-dire sur des choses bien précises. Mmh. Si bien que dès l'entrée de jeu, j'ai compris que si je m'abaissais à entrer dans les polémiques auxquelles on m'invitait, je désespérerais tout le monde. Donc, voici ce que j'ai à dire. Ça tient en deux points, et je l'ai dit dès maintenant, au début de cette émission. Premier point, ne cultivez pas les rancœurs. Mmh. Pas de règlement de compte, pas de vengeance, pas d'acrimonie. Rassemblez-vous parce que les 11 millions,2 peuvent devenir 12, 13, 14 millions et être le centre de gravité du pays si vous marchez tous de front. Donc, il faut s'accorder sur ce qui permet de rassembler le programme. Et j'ajoute ceci. Non seulement vous devez sécher vos larmes, mais la loi de la vie, c'est que c'est la vie qui est la plus forte. Et dans la vie, c'est le combat qui est le plus fort. Si bien que je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Mmh. Il y a un troisième tour. Et tout sera sacrifié de ma part. Toutes les satisfactions que je pouvais attendre de la tranquillité de cette sortie d'élection sera sacrifiée à cet objectif. C'est-à-dire, soyez 11 millions, bien. Soyez 12 millions, soyez 13 millions. Rassemblez-vous avec l'Union populaire. Je ne viens donc pas faire du témoignage ni m'introspecter. Son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner, comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotone. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. on a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Tout à l'heure que vous avez reconstruit la gauche. Alors, de mémoire, le mot gauche n'a pas été prononcé une seule fois par Mélenchon dans tout son discours dimanche soir. Jean-Luc Mélenchon préfère parler d'un pôle populaire. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça désigne, de quoi s'est composé ce pôle populaire? Qu'est-ce que c'est? Et si le mot gauche n'a pas été prononcé, selon vous, pourquoi? On a pu le prononcer à d'autres moments, donc c'est pas un fétichisme. Justement, on n'est pas dans un fétichisme des mots. Disons que ma formule était un peu provocatrice dans le sens où effectivement, ce qu'on voit émerger, c'est une tripartition de l'espace politique. Et ce que ça représente, tout simplement ce qui reste, je crois, de cette histoire de la gauche, en tout cas de ceux qui se revendiquent de cette histoire-là, pas simplement comme une identité esthétique, mais comme un vrai contenu. Et ça, c'est le programme dont voilà, on redit et tout le monde a constaté la solidité, le sérieux, et puis surtout qui est un produit des luttes, tout simplement. Voilà, c'est on a été voir les associations, on a travaillé pendant 5 ans avec de nombreuses d'entre elles, et on a repris l'ensemble de ces revendications qu'on a mis en politique. En fait, on a traduit politiquement les luttes dont on avait fait partie, qu'on a participé aussi à construire. Donc c'est ça aussi la gauche, c'est partir des revendications. Des besoins, comme ils disent, voilà, partir des besoins, ouais. Des revendications portées par les mouvements, les formes les plus organisées, les plus avancées. Et ça va aussi bien des associations, des grandes associations écologistes que des mouvements populaires comme les Gilets jaunes et aussi le travail des syndicats. Donc c'est ça la gauche, c'est un contenu et c'est ce qu'on dit en fait depuis au moins, on va dire 2017, quand on disait en fait on part du contenu, on part pas de l'étiquette. Et qu'est-ce que ça veut dire de redonner du sens à cette idée de gauche avec beaucoup de guillemets qui a été tellement dévoyée, dont le mot est devenu toxique parce que elle a été à Valls, c'est à ce genre de personnes, même à Emmanuel Macron qui sait un temps pour s'habiller des atouts d'un pseudo renouveau prétendu également de gauche. Jusque dans les mots d'une de ses ministres encore sous ce quinquennat. Donc repartir de ce qui fait l'histoire de ce courant là de cette grande famille politique et qui est faite aujourd'hui de d'insoumission, de socialisme, d'écologie, de communisme aussi, voilà. Et donc je crois que ce qu'on a réussi, et l'union populaire c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'était déjà un cadre bien plus large que la France insoumise, de personnes qui avaient pas d'étiquette, qui en avaient d'autres que celle de la France insoumise, et qui sont venus sur la base par ailleurs du programme, et d'être d'accord avec ça et d'être prêts et de penser que en tout cas on n'avait pas toutes les réponses et ils étaient peut-être pas d'accord avec tout, mais que l'essentiel était là. Et donc voilà, pour nous c'est l'essentiel de ce qu'on a apporté qui vient de la lutte et qu'on traduit politiquement et qu'on se donne les moyens avec une stratégie pour la mettre en œuvre à partir là aussi du rapport de force. Et pour moi, ça renvoie moi à mon histoire aussi d'une analyse marxiste matérialiste du rapport de force. Donc chacun peut se retrouver en fait dans cette dynamique. Et voilà ce qu'on peut dire, enfin voilà ce que peut exprimer l'expression que j'ai subie. Mais il y a aussi l'idée de

d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Mmh. Il y a un troisième tour. Et tout sera sacrifié. De ma part, toutes les satisfactions que je pouvais attendre de la tranquillité de cette sortie d'élection sera sacrifiée à cet objectif. C'est-à-dire, soyez 11 millions, bien, soyez 12 millions, soyez 13 millions. Rassemblez-vous avec l'Union populaire. Je ne viens donc pas faire du témoignage ni m'introspecter. Ici, Nicolas Sarkozy peut travailler et recevoir avec un certain faste. Alors nous voilà à rue de Miromesnil. Il y a 11 pièces sur deux niveaux, 323 mètres carrés pour un loyer de 19 000 euros par mois. Possibilité naturellement de recevoir des gens à déjeuner, donc avec aussi des maîtres d'hôtel sous-officiers de marine, c'est la tradition qu'il a choisie et que le ministère de la Défense paye. Tout compris, avec leurs avantages en nature, mais aussi en comptant leur rémunération, ils nous coûtent chaque année plus de 6,5 millions d'euros. Cela paraît assez curieux, mais au départ, ces avantages ont été accordés presque en catimini. Quand le député René Dosière commence à s'intéresser au régime réservé aux ex-présidents, il aura beau chercher, il ne trouvera aucun texte officiel. À force d'insistance, il finit par obtenir en 2010 cette lettre, rédigée il y a 30 ans. C'est une lettre donc qui datait du 8 janvier 1985, qui est signée du Premier ministre et qui est adressée à M. Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République. À l'époque, le président en exercice est François Mitterrand. Il s'inquiète du sort réservé aux anciens chefs d'État, avec peut-être une arrière-pensée pour son propre avenir. Il demande donc à son Premier ministre Laurent Fabius de s'en occuper. Ce dernier va signer une lettre à caractère confidentiel. Alors, que prévoit-elle exactement? Elle liste tous les avantages en nature dont pourront profiter à leur guise les anciens présidents. Un appartement de fonction meublé, équipé avec deux personnes pour en assurer le service. 7 collaborateurs permanents, un directeur de cabinet, des secrétaires et un fonctionnaire des archives nationales pour classer le courrier. 2 fonctionnaires de police pour la protection rapprochée et une voiture de fonction avec 2 chauffeurs qui alternent. L'ex-président n'a que l'embarras du choix. C'est l'ancien président qui choisit ses locaux, choisit son mobilier, choisit son véhicule, les collaborateurs, et donc l'État paye tout ça. Et ce qui agace le plus René Dosière, c'est que toutes ces dispositions coûteuses ont été accordées sans débat démocratique, ni aucune transparence. Tout ce qu'on met à leur disposition n'a aucune base juridique. Une lettre personnelle dont on va dire qu'elle vaut décision, c'est quand même quelque chose d'assez ahurissant. Les anciens présidents ont donc droit à d'importants avantages en nature, mais ce n'est pas tout. Ils touchent aussi à vie une dotation de 5 184 euros net par mois. À cette dotation vient s'ajouter, avec un peu de bonne volonté, un complément de revenu appréciable. Comme c'est écrit dans la Constitution, les anciens présidents de la République font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel. À ce titre, leur est versée une rémunération de 12 000 euros par mois. Si jamais un président de la République décidait de venir, eh bien, il serait à ma droite. Avantage en nature, rémunération fixe ou variable, et le tout garanti à vie. Mais ce dispositif est-il encore justifié lorsqu'un ancien président sort de sa retraite? Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent,

Le président sortant conserve les clés de l'Élysée pour un nouveau quinquennat. Il garde la victoire modeste et acte la poursuite de la montée en puissance de l'extrême droite dans le pays. La campagne pour les élections législatives est lancée. Voilà. L'extrême droite battue, mais confirmée. C'est-à-dire qu'elle se renforce de plus en plus. Un certain Adolf Hitler est arrivé au pouvoir par les élections en Allemagne en 1933. Ça nous a fait une guerre mondiale. 64 millions de morts. Tout ça pour un bulletin de vote. Un simple bout de papier dans une boîte. Hein, dans une urne. Oh, les Allemands, ils croyaient pas voter aussi mal, hein. Eh oui. Ben, les Français votent de plus en plus mal. Eh oui. Les Français ont moins d'excuses parce qu'ils ont été plus souvent en République que les Allemands. Les Allemands ont connu plus la royauté, l'empire et la dictature que les Français. Alors donc, ils ont des excuses d'être moins démocrates. Enfin, ils ont. Ouais. Résultat présidentiel 2022, les sages ont le dernier mot. Ah, la réélection ce dimanche d'Emmanuel Macron ne songe pas tout à fait à la fin. ne sonne pas tout à fait à la fin de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel doit encore proclamer les résultats définitifs du second tour et il peut être saisi en cas de rejet des comptes de campagne. Alors on voit une photo avec un monsieur qui est devant un pupitre avec un micro. Pour la première fois, une vidéo de proclamation des résultats officiels est visible sur le site dédié à l'élection présidentielle du Conseil constitutionnel, site que Laurent Fabius, président de l'institution, avait présenté en janvier. Laurent Fabius, Laurent Fabius. Élection présidentielle 2022, le vote des départements lorrains. Alors, la Meuse, Marine Le Pen, 55%, Macron, 44%, Moselle, 50%, Marine Le Pen, 49%. Meurthe-et-Moselle, Macron, 54%, Le Pen, 45%, Vosges, Le Pen, 52%, Macron, 47%. Grand Est, Macron 52%, Le Pen 47%. Alors les Vosges, les Vosgiens, que les Vosges ont été quasiment le dernier département à être libéré de l'occupant Bosch. Hein? Ils ont été le dernier département. Le Valtain a été libéré le 5 février 1945. Et ces gens-là, ils votent Le Pen à 52%. Ah, bravo les instituteurs, les profs de français, d'histoire, les curés, etc. Oh, les journalistes. Oh, grâce à vous, le Vosgien moyen, il est très moyen, quoi. Hein. Le déploiement Épinal, le déploiement de la 5G lancé dans la Cité des Images. Voilà. Neuchâtel, tous unis en mémoire des victimes de la déportation. Et il y a 77 ans, prenait en effet fin le système concentrationnaire et génocidaire nazi dont le monde découvrait l'horreur. Alors, je rappelle que les Allemands ont voté pour Hitler. Pourquoi? Eh bien, à cause du chômage. Vous voyez, la misère consécutive à la guerre de 14-18 et le chômage. Alors, les Allemands, ils avaient différents partis à leur disposition. Et ils ont été déçus par tous les partis. Et alors, il est resté un parti qui n'avait pas encore été au pouvoir. Et bien, ils ont essayé ce parti-là. Ils ont essayé. Eh oui. Et voilà. Alors, Leningrad, Stalingrad, les camps de concentration, hein. Voilà, tout ça, c'est conséquence d'un simple bulletin de vote, un petit rectangle de papier de rien, hein. Ça n'engage pas à grand chose, hein. On vote, comme ça quoi, on vote, et puis après, on se fait taper sur les doigts. Que ce soit au mémorial de la Shoah à Paris, où ils sont systématiquement rendus, ou à Auschwitz même, ces élèves ont rencontré des survivants de la déportation, parmi lesquels Ginette Kolinka et Yvette Lévy. Alors, ne pas oublier qu'il y a eu aussi un certain nombre de communistes, de socialistes, de gens de gauche, de résistants qui ont été déportés, ou fusillés, ou torturés, ou... Ouais, c'était risqué d'être de gauche pendant la guerre. Ah oui, oui, c'était risqué, très risqué. Ouais, les résistants... Il y en a qui ont résisté, comme actuellement, il y en a qui résistent, et puis il y en a qui se soumettent, qui courbent l'échine, qui arrondissent le dos. Transport la catastrophe de Bétigny devant la justice. Le procès de l'une des pires catastrophes ferroviaires, survenue en France, débute ce lundi à Évry, dans l'Essonne, avec, sur le banc des prévenus, la Société Nationale SNCF, SNCF Réseau et un cadre. 184, c'est le nombre de personnes qui se sont constituées partie civile pour le procès de la catastrophe de Brétigny-sur-Orge. Ouais, pourquoi? Pour une éclisse qui n'avait pas été changée, hein? Oui, qui avait été repérée un peu abîmée, mais on changera le prochain coup, oui. Ah ben oui, ben quand on commence à parler de rentabilité plus que de service public, quand la SNCF ressemble de plus en plus à une entreprise privée et que les entreprises privées s'insinuent dans tous les domaines du service public, eh bien on a des catastrophes. Ben oui, les Anglais qui avaient voté pour Margaret Thatcher, ils ont eu un service public qui s'est dégradé gravement, gravement. Les transports ferroviaires ont eu plein d'accidents à cause de Margaret Thatcher, qui elle-même a agi à cause des électeurs qui ont voté pour elle. À Hayange, fief RN, RN c'est Rassemblement National, hein, on a dit, on repart en campagne pour le troisième tour. Et à côté de cet article-là, avec une photo avec plein de gens qui sont admiratifs pour je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, eh bien, il y a un petit carré, un petit rectangle, repère, Caroline Fiat de la France Insoumise. Caroline Fiat, députée de la France Insoumise de Meurthe-et-Moselle, c'est la seule aide-soignante députée. 80% des Français ne voulaient pas de ce duel. J'ai donc une pensée pour tous ceux qui se sont déplacés pour aller faire barrage et qui ce soir se disent aussi qu'ils sont passés à côté de la retraite à 60 ans, à côté de la retraite à 60 ans, du SMIC à 1 400 €, du SMIC à 1 400 €, il nous faut une majorité à l'Assemblée nationale. Tout n'est pas perdu. Le troisième tour est important. Il faut se mobiliser. Nous avons donné la présidence à Emmanuel Macron, on a laissé. Parce qu'on pouvait... On a laissé. Nous ne pouvons pas lui donner le pouvoir. Ce serait une erreur. Ce serait même plus grave qu'une erreur. Cherchez le mot. Dans le code civil. La Marine Le Pen creuse... Ou dans le code pénal. Marine Le Pen creuse l'écart dans les Vosges. Voilà. Alors, ben, les Vosges sont en bleu, c'est-à-dire Front National, en grande partie. Il y a le secteur d'Épinal, quelques points autour de Mirecourt, Vittel, Gérardmer, Remiremont, Saint-Dié, qui ne sont pas tombés dans le chaudron, hein, mais bon, voilà. Ben oui, ils sont pas tombés dans le chaudron parce que, bon, ils se rappellent des années 50 où ils envoyaient dans le long de la vallée de la Meurthe, notamment, envoyaient des maisons en bois, des planches de 27 mm d'épaisseur, une feuille de papier peint à l'intérieur, une feuille de papier goudronné à l'extérieur, et par -10, eh ben les gens, ils vivaient là. Voilà, parce que leurs maisons avaient été détruites par les Boches quand ils sont partis. Les Boches, ils ont détruit toutes les Vosges, hein, une bonne partie des Vosges. Voilà. Et les Français, ils votent Rassemblement National en 2022. Ah, ah oui. Oh, oh, oh. L'électeur moyen, il est moyen, hein. Oh oui, il est très moyen. Alors, voyons voir, tiens, dans les communes qui avaient été détruites, dont toutes les maisons ont été brûlées en 1944. Eh bien, Bar-sur-Meurthe-Clefcy, par exemple. Eh ben, 230 voix pour Macron et 385 pour le Rassemblement National, c'est-à-dire pour l'extrême droite. Ah, il y a des gens qui n'ont pas de mémoire. Hein. Faudra chercher dans les tiroirs des parents, des grands-parents, les photos qui montrent la mairie, l'école, etc., la maison du grand-père qui ont été détruites et puis qui ont été remplacées par des baraques en bois. Des baraques en bois. Les gens, ils ont voté, ils ont logé pendant 10 ans dans des baraques en bois. Et le climat n'était pas le climat de maintenant. Hein? Dans leur baraque en bois, ils devaient regretter le passage des nazis par la vallée de la Meurthe, quand même. Alors, à Ferdru, 152 LREM et 293 Le Pen. 293 Le Pen à Ferdru. Hein? À Fraise, tiens, eh bien, 488 Macron, 1030 Le Pen. 488 Macron, 1030 Le Pen. Eh oui. Alors si les gens ils se retrouvent avec le fascisme un jour, faudra pas qu'ils viennent se plaindre. Hein? Ben oui. Gérard Armé, 2675 Macron, 1584 Le Pen. Ah, rappelons-nous que les 9 dixièmes de Gérard Armé ont été brûlés la veille du départ des Allemands, quand ils rentraient chez eux, hein, ils ont réduit la population de Gérard Armé à la misère absolue, comme dans la vallée de la vallée de la Meurthe. Hein. Eh oui, c'est ça la guerre, c'est ça la droite, c'est ça l'extrême droite, c'est la misère. La droite et l'extrême droite, faut s'en souvenir quand on va voter. Notre petit bulletin de vote, il peut avoir une grave influence sur notre génération, celle de nos enfants, celle de nos petits-enfants. Et encore après, la Bresse, 1443 Le Pen, Macron, pardon, 1007 Le Pen. C'est pareil, la Bresse. Vous avez remarqué que les maisons, elles ont, datent toutes d'après 1945 à la Bresse. Eh ben oui. Eh ben, les gens, ils ont pas de rancune. Ils votent pour Le Pen. Eh oui, pour Le Pen. Ah ben oui. Non, mais Le Pen, le Front National, ça n'a rien à voir avec les nazis, hein. Non, ça n'a rien à voir. Mais non. C'est moi, je suis mauvaise langue. Je suis méchant. Plein fin. 255, 572. Plombière, 463, 468. Eh oui. Même à Plombière, bon. Il y a eu moins de dégâts en 45 à Plombières, peut-être, je sais pas. Voilà. Ensuite, eh bien, oui. Alors, plus par ici, Remiremont, Macron 2084 et Le Pen 1345. Alors, rappelons que Remiremont n'a pas été détruite par le feu et la dynamite en 44, quand les Allemands sont partis, parce que les Américains sont arrivés un peu plus vite que prévu. Les Allemands n'ont pas eu le temps de, ben oui, ils ont eu le temps de faire leur valise, de se sauver, avant d'être faits prisonniers. Saint-Étienne et Remiremont, 966 Macron, 901 Le Pen. Oh, ben, partout, la balle au centre, hein. Eh oui. Eh oui. Oh, ben, il y a un peu moins de Le Pen que de Macron, quand même, hein. Oui. Ben, faut dire que la radio libre a dû faire son œuvre, hein. Eh oui, la radio libre a eu un effet, pédagogique, éducatif, informatif, très net, très clair. Hein, c'est apparent, là. 966 Macron, 901 Le Pen. Saint-Nabord, 1245 Macron, 1075 Le Pen. Et puis, bon, bah, on va rester là. De toute façon, les Vosgiens, ils votent bien. Les Vosgiens, ils votent bien. Mais oui. Ils votent bien, les Vosgiens. Alors, continuez comme ça, vous serez heureux toute votre vie. Voilà. Alors le 1er mai 2022, comité contre le racisme à Gérard Armé, fête de la solidarité, espace Lac Gérard Armé, à 12h, repas solidaire, libanais, bio et végétarien, chacun selon ses moyens, réservation au 06 45 38 57 81, alors 06 45 38 57 81, de préférence par SMS avec nom et nombre de personnes pour réserver. Alors, 14h30, hip-hop avec le groupe des jeunes de la MCL, de la Maison de la Culture et des Loisirs de Gérardmer. 15h, conférence-débat. Bernard Schmitt, avocat, militant, engagé dans la lutte contre l'extrême droite. 17h, spectacle, petites histoires féminines par les C3, compagnie de clowns de circonstance. Toute la journée, village solidaire. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'avaient pas de quoi prendre des notes tout de suite, eh bien, les réservations, c'est au 06 45 38 57 81. Voilà. La gauche, elle existe encore, la gauche. Mais oui, les écologistes aussi, ils existent encore. Les vrais, hein, les vrais. Parce qu'il y a des faux. Il y a des faux, il y a un ramassis de fauchetons là-dedans. Ah oui, c'est comme les cocos, les communistes. Oui, il y a les vrais qui pensent et qui votent comme ils pensent, hein. Et puis il y a les autres qui suivent le mouvement, qui voilà. Et les socialos. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de socialistes. Le dernier socialiste c'était Jean Jaurès, avant la guerre de 14, hein. Depuis, il y a eu des gens qui se croyaient socialistes. Il y a des gens qui faisaient semblant d'être socialistes. Il y a des gens qui prétendaient être socialistes pour être élus. Et puis, voilà, hein. La fauchetonnerie, comme partout, un peu partout. Surtout là. Alors, socialo, écolo, coco, traître, ben, on se rappellera de vous, hein, quand même. Ah oui, parce que c'est grave. C'est grave. Jean-Luc Mélenchon, je n'ai pas demandé à M. Macron de me nommer Premier ministre. Non. J'ai demandé aux Français de voter pour des députés de l'Union populaire pour mettre le président en obligation morale et politique de choisir le Premier ministre qui appliquera le programme de la majorité. Alors la majorité, c'est à nous de la faire, à nous. Ne comptons pas sur quiconque d'autre pour faire la majorité. Alors tiens, bilan de 5 années de Macron 2017-2022, social. Désindexation des pensions de retraite et du livret A par rapport à l'inflation. Forte inflation, augmentation forte de l'essence, de l'électricité, du gaz, démantèlement du code du travail, mouvement des gilets jaunes, 70% de soutien de la population au début, violence et atteinte aux libertés, violence policière jamais vue et mutilation de manifestants, ça, ça met sur le compte de Macron et sa bande, ses complices, violation de liberté constitutionnelle pendant 2 ans, division, a fracturé la cohésion de la société, port du masque, passe sanitaire, etc. Insulte permanente envers les Français, les Gaulois réfractaires, emmerder les non-vaccinés, fainéants et cyniques, les gens qui ne sont rien, etc. 45 députés partis de la majorité de Macron en 5 ans. 45 qui ont quitté Macron. Eh oui, quand ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait rouler, eh ben, ceux qui avaient un peu de courage, ils sont partis. Santé, fermeture des lits d'hôpitaux, 5700 lits fermés en 2020 en plein Covid, suspension des soignants non vaccinés avec impossibilité de pratiquer certaines opérations en hôpital aujourd'hui, accès payant aux soins en hôpital pour certains Français non vaccinés, industrie, perte d'un million d'emplois industriels en 10 ans, vente d'Alstom Energy à General Electric. C'est un groupe de hard rock metal, General Electric. D'Alcatel à Nokia, vente à la découpe d'Engie, démantèlement en cours d'EDF. EDF, Électricité de France, qui a été créée par des résistants en 1945. Hein, comme la SNCF, comme la Sécurité sociale, comme la caisse de retraite, etc. Voilà. Donc les résistants ont fait beaucoup de choses pendant la guerre et juste après la guerre. Et ces gens-là, les macronistes, sont en train de tout détruire. Voilà. Administration, destruction du corps préfectoral, du corps des conseillers aux affaires étrangères au Quai d'Orsay de l'ENA, École nationale d'administration, qui a été créée aussi en 1945. 2,4 milliards d'euros d'argent public payés à des cabinets de conseillers privés en 4 ans. 2,4 milliards d'euros d'argent public payé à des cabinets de conseil privés en 4 ans.